Écoutons. Bah écoutez, moi je travaille sur vélo, donc je travaille à la police municipale. Ouais. En faisant ma patrouille ce matin, bah habituel, je me suis rendu compte d'une toute petite fumée blanche en haut de la colline. À vélo ? Directement prévenu. Je pensais moi de base que c'était sur vélo. Hein. J'ai directement prévenu et en fait, bah, on s'est rendu compte que ça partait depuis les peines en fait. Hein. Ah oui. Et on s'est rendu compte qu'en une heure, en fait, le paysage il a totalement changé. Donc vraiment force et courage aux pompiers, à la police, à mes collègues policiers qui sont au bord de la route pour essayer de filtrer tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Après, voilà, moi je suis tellement bloquée sur la 7. Mm-hmm. Donc ça circule plutôt bien jusqu'à Vitrolles, ouais. Jusqu'au pont. Par contre, au niveau des peines Mirabeau, j'étais un peu surprise de l'alerte qu'il y a eu sur le téléphone. C'est la première fois de ma vie que... Ah, vous avez eu le FR alerte, ouais. Mm-hmm. J'ai eu l'alerte, je ne savais pas. C'est ma sœur qui m'a dit que vous en avez parlé sur votre radio, oui. Et je ne savais pas que ça faisait ça. Mon téléphone était totalement bloqué sur l'alerte. Et au niveau des peines Mirabeau, par contre, ça continue, le feu continue. Oui, bien sûr. Toujours. Il ne s'est pas arrêté. Nous, quand on passe sur l'autoroute, on voit les flammes. Donc, et les canadaires qui passent vraiment à proximité des véhicules. Ils sont vraiment très, très proches et on entend sans arrêt. En fait, on a l'impression qu'on est dans une situation apocalyptique, quoi. Mais c'est le cas. Moi, je n'ai jamais vu ça. En 30 ans, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, on a eu l'incendie il y a quelques années. Mais là c'est costaud. Ouais. Donc FR alerte, qu'on ait du réseau ou pas, tant qu'on est proche, ça dépend de notre abonnement. Voilà, il y a des fois, vous savez, où on est sur Orange, mais on capte rien, alors que Bouygues ou SFR à côté ou Free, ils captent. Bon, mais peu importe, on reçoit quoi qu'il arrive un message sur son téléphone. Ça fait une alerte très stridente et il y a un message qui s'affiche, FR alerte. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas un bug du téléphone, c'est vraiment l'alerte de la préfecture. Et en l'occurrence, il y en a eu quelques-uns qui ont été émis aujourd'hui, au Pen Mirabeau, puis dans le 16e arrondissement de Marseille. Merci Cyrielle, bon courage pour le retour à Marseille. Damien, et après on va refaire un tour des principales difficultés, et puis vous entendre aussi en vocal sur WhatsApp. Damien, bonsoir. Du coup, la 55, en fait, elle est ouverte à partir de Saint-Henri, quand on descend vers Marseille. On doit aller jusqu'au bout, mais par contre, dans le sens, c'est fermé. Voilà, donc vous nous confirmez qu'on peut prendre la 55 à Grand Littoral en descendant à la Joliette. Ça, c'est ouvert, c'est possible. La police, elle nous laisse rentrer. Bon, après, par contre, déjà, ils sortent tous de l'autoroute. C'est pas bloqué en dehors de l'autoroute, mais par contre, sur la passerelle, quand on arrive vers le tunnel du Vieux-Port, c'est super. Ouais. D'accord. Par contre, dans l'autre sens, vous pouvez pas y aller. Voilà, c'est fermé dès le tunnel du Vieux-Port, en direction de Martigues, fermeture du tunnel du Vieux-Port, du tunnel de la Major et de la 55, jusqu'au convergent des peines Mirabeau. Et après, au niveau de la Castellane... Et Grand Littoral et tout, là-bas, c'est tout bloqué. Ouais. Pas mal, j'ai en dessous. Ok Damien, bon bah merci. Merci pour l'info et on se dit à très vite. Martine avec nous, bonjour, bonsoir Martine. Oui, bonjour. Oui, alors en fait, je voudrais savoir où ça en est un petit peu, s'il vous plaît, parce que j'ai quitté Châteauneuf-les-Martigues à 16h et j'ai bifurqué donc par l'autoroute de Vitrolles. Donc du coup, je suis sortie à Longjoli, mais je suis bloquée au Pen Mirabeau. Donc je me suis arrêtée dans un bistrot. Oui. Et j'habite la Viste, donc je voudrais savoir si je peux rentrer chez moi ou pas. La Viste, oui, normalement, c'est bon. En sortant à Saint-Antoine, comme vous le faites habituellement, c'est bon. Il y a juste un bouchon dû à l'affluence donc, et ouais, à la fermeture de la 55. Je peux reprendre l'autoroute au Pen Mirabeau. Au Pen Mirabeau, ouais, c'est bon. C'est ouvert. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Voilà, mais attendez un peu. Moi, je vous conseille de profiter de votre grenadine à l'eau bien fraîche et d'en recommander une autre. Ça fait déjà une heure que j'attends. Alors, on vous rappelle les consignes. Il faut absolument libérer le réseau routier, que ce soit l'autoroute ou les départementales, pour que les pompiers en renfort puissent arriver et intervenir. C'est pour ça qu'on vous dit soit de rester chez vous, soit de rester à votre travail. En l'occurrence, Martine, je vous invite donc à rester au bistrot ou aller à Vitrolles faire les courses. Il y a les soldes ou à Plan de Campagne. Voilà, il y a les soldes en ce moment. Donc, autant en profiter, mais vraiment libérer les voies d'accès au niveau de l'Estac, de Verduron, Jas de Rot toujours, au nord de Marseille et peut-être ailleurs s'il y a d'autres incendies en cours. Si c'est le cas, témoignez en direct, que ce soit à Aix-en-Provence. Tout à l'heure, on a eu une info comme quoi il y avait un départ de feu au niveau de Célony. Si c'est toujours le cas ou si c'est traité, appelez-nous pour qu'on puisse mettre à jour tout ça. 04 42 38 08 08 ou laissez-nous une note vocale sur WhatsApp. Édition spéciale, ici Provence, avec justement vos messages sur WhatsApp. On écoute Patrick. Oui, bonjour Patrick, c'était pour vous signaler qu'on est à l'arrêt sur l'A8 en direction d'Aix à partir de la sortie numéro 28 en direction d'Aix. Voilà, donc ça bouchonne, je pense, jusque la traversée d'Aix. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Patrick, pour le vocal. Isabelle. Oui, bonjour, c'est Isabelle. Je suis sur l'autoroute A8 de Aix-en-Provence qui va à Salon. Pour l'instant, ça circule. Par contre, l'A8 qui va de Salon à Aix-en-Provence est bouchée. Gros bouchon, je pense, par rapport à Marseille qui est bloqué. Donc faites attention. Isabelle, pour son message vocal sur WhatsApp, et en effet, voilà, vous êtes très nombreux à passer par Aix-en-Provence, et c'est ce qu'il faut faire pour éviter d'encombrer le réseau routier du nord de Marseille. Il faut passer par Aix-en-Provence. Et donc, la 8, on a un bouchon un petit peu après le viaduc TGV de Vintabrin. Vous avez Aiguille à votre gauche, c'est à partir de là que ça va coincer. Le temps de parcours jusqu'au Val-Saint-André en direction de Nice est d'environ 20 minutes. Autre vocal, Dadou. Je vous ai appelé, c'était pour signaler un accident qui vient d'avoir lieu. Il est 17h21 dans le tunnel de la L2 dans le sens Aubagne-Marseille, avant la sortie Les Arnavaux. Un carambolage entre deux voitures. Ah. Voilà. Eh ben, ça va pas aider à rentrer chez soi, ça. Donc, accident, merci beaucoup Dadou. Donc, accident confirmé par la Diarmed sur la L2 en direction d'Aix-en-Provence à hauteur des Arnavaux. Il y avait de toute façon un bouchon puisque la 7 est à l'arrêt. Ben, on rajoute donc l'accident et ça commence à coincer à partir du Merlan avec une vingtaine de minutes de bouchon rien que pour rejoindre la 7. La 7, ben, maintenant, ça augmente bien puisque ça y est, c'est l'heure de pointe. Entre Saint-Charles et le convergent de Septem, vous mettez environ 1h15 pour faire le trajet. Vous ne pouvez pas prendre la 55. Donc, le mieux, c'est de prendre la 50 et faire le grand détour par Aubagne et Aix-en-Provence ou alors la route des Termes à l'Auplan de Cuc, route des Termes Pépin et ensuite prendre la D8 qui est au pied de l'étoile et qui serpente entre Mimet et Simiane-Collongue. Là aussi c'est une bonne option pour quitter Marseille. Je vous déconseille aussi de passer évidemment par l'Estac et le Rov puisque bah, non seulement le quartier est confiné et tout est bloqué, on ne peut plus maintenant passer par là et ceux qui sont éventuellement encore dans le secteur et qui quittent l'Estac vers le Rov sont dans un bouchon d'environ 40 minutes. Jessica, bonjour à vous Jessica. Oui, bonsoir. Bonsoir, alors on va dire bonsoir, 17h28, on dit oui. Bonsoir maintenant. Allez, c'est parti. Oui, parce que là je pense que je suis confrontée à la réalité, je risque de dormir peut-être au bureau. Voilà, j'avais un train moi de Saint-Charles à 16h24 pour rentrer sur le secteur de Nîmes. Ouais. Là, j'ai vu que tout était annulé jusqu'à au minimum à minuit, oui. Sachant qu'à minuit, il n'y a plus de transport non plus pour rentrer chez moi. Et impossibilité pour les proches de venir nous récupérer puisqu'apparemment A7 et A55 sont fermés aussi dans les deux sens. Non, l'A7 est ouverte mais elle est embouteillée. Ah. L'A55 est fermée, donc tout le monde passe par l'A7, c'est pour ça qu'il y a des bouchons. Mais l'A7 est ouverte. D'accord. Ok, bon, ça laisse toujours l'espoir. Oui. Et là vous êtes comment alors? Vous êtes à pied? Oui, du coup, je suis retournée à mon bureau. Ah ouais, c'est ça. Tout à fait, je suis retournée à mon bureau qui est à côté de Saint-Charles, mais j'aimerais bien rentrer dormir chez moi. Je comprends. Ou appel à covoiturage, peut-être, s'il y a un peu de place dans la voiture pour aller au moins en direction de Salon, et puis peut-être que vos proches peuvent vous récupérer à Salon, fait moite-moite. Oui, même Martigues, Arles, n'importe, que ça me porte un peu. Ouais. Bon, eh ben on lance l'appel, c'est Jessica. Alors on va peut-être pas encombrer le standard pour ça, mais oui, vous pouvez envoyer un message sur notre WhatsApp 04 42 38 08 08 et on vous mettra en contact. OK Jessica, on essaye de faire ça. Merci. Ça avait déjà marché, je me souviens d'une émission spéciale qu'on avait faite. Alors cette fois c'était une soirée d'intempéries mêlée à une grève des transports où beaucoup d'auditeurs avaient besoin de rentrer chez eux et on avait mis en place une émission spéciale covoiturage. Ça avait vachement bien fonctionné. Donc on peut remettre ça si vous le souhaitez. 04 42 38 08 8-08. Nadège, bonsoir Nadège. Oui, bonsoir. Juste pour prévenir que sur la liste, c'est un peu plus dégagé. Donc pour ceux qui veulent récupérer Gignac, Le Rov, Carrie comme moi, en fait, il suffit de passer par la liste, aller jusqu'à Saint-Antoine et récupérer la gavotte au rond-point des pompiers, justement, passer par la gavotte et récupérer l'autoroute à 55 à Coca-Cola. Oui, car on peut prendre. Il n'y a plus rien. On peut prendre la jonction A7 à 55 sans se. Oui. Alors, sans se rompre en Coca des peines jusqu'en direction. Enfin, en direction de Martigues. Voilà, cette portion de du convergent est ouverte. C'est ça. Et donc là, il n'y a personne. On voit encore un peu le feu sur la route, mais ça roule très bien là. D'accord. Le plus dur est de passer le tronçon, la vis Saint-Antoine. Ouais. Et après, du coup, on récupère la gavotte et ça va. Est-ce que vous avez vu des forces de secours, de police? À tous les ronds-points, ils sont là, à tous les ronds-points. Et ils interdisent d'aller vers la gauche, j'imagine, vers Duron, vers la Castellane, tout ça? Oui, c'est ça. Ok. Merci pour la confirmation, Nadège. Merci à vous. Et puis, il y a Stéphane, on écoute son vocal sur WhatsApp. Eh oui, bonjour, c'est Stéphane. Je suis sur la Gineste. Ça commence à boucher juste après le plateau de Carpiagne. On va en redescendre sur Cassis. Ça commence à bien se boucher. Merci Stéphane pour l'inforoute. Vous continuez d'alimenter l'infotrafic de Ici Provence et cette édition spéciale avec l'incendie des Pennes Mirabeau qui s'est propagé à Verduron puis à l'Estac. 04 42 38 08 08 en direct ou en note vocale sur WhatsApp. Ici Provence. Ici. Émission spéciale. Émission spéciale. 17h31, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en situation de crise. Florent Lesseau, on fait le point sur tout ce qui se passe depuis la fin de la matinée. Avec les toutes dernières déclarations du préfet des Bouches-du-Rhône qui confirme ce que l'on craignait depuis 11h ce matin, avec ce départ de feu au Pennes Mirabeau qui s'est ensuite propagé vers le nord de Marseille, quartier Verduron, quartier de l'Estac. Le préfet des Bouches-du-Rhône parle d'un feu qui a parcouru 700 hectares de végétation, donc en 6h et 30 minutes environ. 700 hectares de végétation parcourue, c'est tout à fait considérable. C'est l'un des plus gros feux de ces dernières années au Pennes Mirabeau et à Marseille, bien entendu, de la Pinède et de la Garrigue, donc partie en fumée depuis ce matin. Et le préfet des Bouches-du-Rhône nous donne aussi cette information qui peut rassurer, puisque selon le préfet, la situation est maîtrisée. Voilà ce que dit le préfet. Il ajoute aussi qu'une dizaine d'habitations ont quand même été touchées par les flammes, ce qui est malgré tout assez peu par rapport à l'ampleur de ce feu gigantesque poussé par des rafales de Mistral à près de 90 km/h. Aucune victime à déplorer, dit le préfet, mais quelques pompiers légèrement blessés tout de même. Voilà donc pour les dernières déclarations du préfet des Bouches-du-Rhône, 1600 hectares parcourus depuis ce matin. Le feu qui est donc entré dans Marseille vers 15h30 tout à l'heure, et trois gymnases du nord de la ville ont été prépositionnés pour accueillir des évacués. Vallier, gymnase Rosfuveau et Croix-Rouge. Josiane, une auditrice d'ici Provence, a dû quitter sa petite maison quartier Saint-Henri, justement dans le nord de Marseille. On a tous été évacués. Les forces de l'ordre sont venues taper à la maison, oui. Là, on va en direction du Rhône. On roule comme on peut, hein, parce que c'est tout bouchonné. On a notre fille qui habite Martigues, et on va prendre l'autoroute par là-bas. Tout le monde est affolé. Hein. Déjà eu des feux, mais pas comme ça. Josiane, auditrice d'ici Provence, donc, qui a dû quitter sa petite maison quartier Saint-Henri à Marseille. Nous retrouvons Fred Chapuis, chemin du littoral. Fred Chapuis, donc, dans le 16e à Marseille, où les habitants essaient de rentrer chez eux, tout simplement. Hein. Exactement. On va en discuter avec Thierry, là. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Vous êtes en direct sur ici Provence. Merci beaucoup. On est donc chemin du littoral. Florent le disait précisément. On a les usines de Mourpiane juste en face de nous. Et puis, on a tout le balai des hélicoptères de la sécurité civile et des pompiers qui est devant nous. Vous êtes là depuis à peu près combien de temps, Thierry ? Une heure à peu près. Une heure. Donc vous veniez d'où et vous allez où ? C'est Manabé à l'Estac. Voilà, donc vous rentrez du travail ? Tout à fait, oui. Bon, est-ce que vous savez à l'Estac comment vous allez retrouver ? Quelle est la situation là-bas ? En principe, ça n'a pas dû avoir de problème, hein, puisque le feu est plutôt sur les hauteurs. Donc en principe... Vous êtes au niveau des pompiers, vous m'avez dit, pour ça que c'est celui qui est au niveau du rond-point. Niveau de la mer, quoi. Donc, pas trop d'inquiétude pour votre vie là ? Non. Pas trop d'inquiétude. Non. En revanche, il faut prendre son mal en patience. Ah, il faut attendre l'accord de la police. Ouais. Comment vous vivez cet événement, vous, Thierry ? C'est habituel. Hein. Dès qu'il y a du vent, il y a des feux, donc on s'habitue. Là, racontez-moi, vous assistez à des scènes depuis tout à l'heure. Il y a des gens qui essayent de passer, les discussions avec les policiers. Oui, les gens, ils veulent tous passer. Et après, la police fait leur travail. Donc forcément, ça pose des tensions, des tueurs et compagnie, quoi. Ça donne l'impression d'un grand bazar, il faut être honnête. Oui, c'est un bazar, oui. Tout à fait. Un grand why, comme on dit à Marseille. On entend d'ailleurs les poids lourds derrière nous, les klaxons. Toutes les rues sont fermées et après, ça fait des bouchons monstres, là. Hein. Là, les prochaines minutes, pour vous, les prochaines heures, vous les voyez quoi, de quelle façon, Thierry ? Je vais rentrer à pied. Ouais. Donc vous allez laisser votre scooter à côté de nous ? Voilà, je vais l'attacher, le laisser ici et revenir plus tard pour le récupérer. Ouais. Bon, ben c'est tout ce qu'on vous souhaite et il n'y a plus que ça à attendre, hein, évidemment, attendre les informations fait, et ouais. Puis être à l'écoute de ICI Provence pour toutes les informations pratiques, évidemment, notamment de circulation. Voilà, Florent et Cédric, ce qu'on peut dire sur la situation et sur les conséquences directes de ces incendies sur la route à Marseille. Merci beaucoup, Fred Chapuis, en direct donc du chemin du littoral dans le 16e arrondissement de Marseille. Une précision concernant la circulation des trains. Elle est interrompue, certes, au départ et à l'arrivée de Marseille, mais en direction du nord et de l'ouest, parce que l'incendie a atteint les abords des voies ferrées vers l'Estac. En revanche, la SNCF précise à l'instant que la circulation des trains n'est pas interrompue totalement, puisque les trains qui circulent vers l'est de Marseille sont en circulation, donc contrairement à ce qui avait été indiqué. Voilà, je vous rappelle le dernier bilan du préfet des Bouches-du-Rhône, 1600 hectares parcourus par les flammes depuis 11h ce matin au Pen-Mirabeau, puis au nord de Marseille, vers Duron-Estac. Donc oui, les trains Marseille-Toulon, Marseille-Nice, Marseille hier, c'est bon, même si on a quand même une suppression de train. Par exemple, le train pour Toulon de 18h11 depuis Marseille est supprimé. Apparemment, il y a aussi des trains qui circulent vers Aix-en-Provence, ou en tout cas vers Sisteron, donc ça a l'air d'être plus ou moins bon de ce côté-là, mais en revanche, oui, Miramas, Côte Bleue et puis les TGV en direction de Paris, là, c'est une circulation interrompue. ICI Provence, on continue notre édition spéciale. Vous appelez le 04 42 38 08 08 pour témoigner, pour nous raconter cet après-midi terrible que vous venez de vivre et que nous sommes tous en train de continuer à vivre ensemble. Les confinements, les évacuations, voilà, comment ça se passe là où vous êtes. Également, si vous avez besoin d'un covoiturage, on peut vous mettre en relation, car on sent que c'est vraiment la grosse galère pour vous qui comptiez prendre le train et voilà, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas motorisé, mais vous avez besoin de rentrer un peu plus au nord ou à l'ouest vers Arles ou au-delà. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler 04 42 38 08 08. Et puis, on a aussi le WhatsApp de ICI Provence avec vos photos, vos vidéos et vos notes vocales. ICI Provence, le trafic de 17h38. Nous vous rappelons que la 55 est fermée en direction de Martigues, ainsi que le tunnel Prado-Carénage d'ailleurs, dans le sens Aubagne-Marseille. Donc, sens Aubagne-Marseille, Prado-Carénage fermé, tunnel du Vieux-Port fermé, tunnel de la Majeure fermé et A55 fermé jusqu'au convergent à cette A55 des Pennes-Mirabeau. Dans l'autre sens, direction Marseille, la 55 est fermée entre le convergent des Pennes-Mirabeau et Grand Littoral. Mais à Grand Littoral, vous pouvez redescendre en direction de la Joliette par l'autoroute du littoral. Concernant l'A7, vous êtes tous donc à circuler sur l'autoroute A7. On a en direction de Marseille un bouchon de 10 minutes entre Vitrolles et la sortie Coca des Pennes-Mirabeau. Ensuite, on a une vingtaine de minutes entre la sortie Coca des Pennes-Mirabeau et Saint-Antoine. Et après, ça se passe bien jusqu'à Saint-Charles. Pour quitter Marseille par l'autoroute nord, par l'A7, là, on met quasiment une heure pour faire Saint-Charles convergent de Septem. Ça impacte la L2 à partir du Merlan avec un quart d'heure. En plus, il y a eu un accident au niveau des Arnavaux. L'A50, ça fait partie des itinéraires à privilégier pour rentrer dans Marseille ou pour quitter Marseille. Et oui, il faut faire de grands détours en cette fin d'après-midi. Donc la 50, on a environ 3 quarts d'heure de temps de parcours entre Manpenty et Aubagne en direction de Toulon. Dans l'autre sens, vous mettez une petite demi-heure entre Aubagne Sud et la Penne-sur-Yvonne en direction de Marseille. Attention à la 501 direction Marseille entre Aubagne-Pinvert et Camp-Major, une demi-heure. Et à la 502, 20 minutes depuis la Bourbonne. Bon, tout Marseille est embouteillé. On a aussi la Gineste, comme nous le disait Stéphane, 20 minutes de bouchon en arrivant à Cassis. Roquevert, en venant de Pont-de-l'Étoile, il y en a pour un quart d'heure. On change de zone maintenant, on va à Aix-en-Provence. La 8 en direction de Nice, entre Aix-Ouest et le Val-Saint-André, vous mettez 25 minutes. Ça impacte légèrement la descente de Célonie à partir de Puy-Ricard avec 10 minutes de ralentissement. Et la D9 à la Pionine vers Aix, il y a un quart d'heure de bouchon. Vous venez de Martigues, vous ne pourrez pas aller à l'Estac, vous ne pourrez pas aller en direction d'Aix-en-Provence, vous serez obligé d'aller vers Lyon. Ou alors vous sortez avant et vous passez par Marignane, mais il y a un petit peu de monde. Bon, ça peut encore aller à Marignane. C'est surtout direction Carix est chargé depuis Marignane avec 20 minutes de bouchon. Enfin, Arles, il y a eu un accident tout à l'heure sur la Nationale 113 en direction de Nîmes. Une demi-heure de bouchon quand vous venez de Saint-Martin-de-Crau. ICI Provence, ICI. Émission spéciale. Émission spéciale. Ouais, pour rebondir ce que vous venez de dire sur la circulation, Cédric, je rappelle les consignes des autorités, notamment de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet qui demande à tout ce qui travaille finalement, aux employeurs, aux salariés, à tous les travailleurs à Marseille, même en dehors du secteur confiné du 16e arrondissement, différer vos déplacements par la route pour ne pas vous retrouver piégé dans les bouchons, pour ne pas engorger encore les voies de circulation. Donc le mieux est de rester là où vous vous trouvez, sur votre lieu de travail, en attendant que la situation se débloque petit à petit au fil des heures. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui par ailleurs insiste une nouvelle fois à l'instant, je demande à la population de Marseille de rester confinée pour l'instant. Donc vous restez chez vous ou à votre bureau, ou si vous êtes en course, vous continuez le shopping et vous attendez bien que ça puisse s'améliorer. En étant à l'écoute de Ici Provence, nous sommes en édition spéciale 04 42 38 08 08 pour vos inforoutes, vos témoignages, les infos incendies. Vous avez la parole, vous êtes prioritaire bien sûr, on vous écoute tout au long de cette fin de journée. Olivier, bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous faites le trajet entre où et où ? Alors, moi, je suis parti du centre-ville de Marseille à 16h. Pour aller où ? Et là, pour aller à la Savine. Et après, je rentre chez moi à la Gavotte. D'accord. Donc là, il est 5h40 et je suis toujours coincé à Saint-Joseph. Donc, du centre-ville à la sortie des quatre chemins, c'est complètement bouché. Tout en sachant que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui prennent des risques, qui créent des accidents. Et j'ai assisté à des choses de dingue, hein, des coupures, à contresens, etc. Donc faire attention. Mmh. Et toute la portion de Sainte-Marthe-Saint-Joseph, c'est complètement bouché, jusqu'à l'hôpital Nord. Ouais. Par les axes parallèles à l'autoroute, on est d'accord, hein, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ouais. Ouais. Donc c'est pareil au niveau du temps, d'essayer de sortir par le nord de Marseille, en dehors de l'autoroute, c'est aussi compliqué. Oui. Et ça avance de guerre. Et d'où les grands détours qu'on vous suggère de faire. C'est vrai que par Aubagne, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de passer par là, mais franchement, la route des Termes et de faire le détour par Mimet, Simiane, la D8, et de redescendre ensuite par Septem, ça peut être pas mal. Donc voilà, bon, pour vous c'est trop tard Olivier, mais je dis ça à ceux qui sont un peu plus en amont que vous. Ça peut être une bonne solution pour rejoindre la Gavotte, comme c'est votre cas. Allez, courage, vous êtes bientôt arrivé, j'espère. Merci bien, bonne soirée. Vous aussi, continuez d'appeler Ici Provence, 04 42 38 08 08, inforoute en direct, le point sur les incendies, vos témoignages, racontez-nous comment vous avez vécu ce terrible mardi 8 juillet. Vous vous rendez compte, on n'est que le 8 juillet, ce n'est que le début de l'été, le Mistral, la sécheresse et donc ce violent incendie à Marseille, les Pennes Mirabeau, puis Verduron, puis l'Estac. Il y a Lucie qui nous envoie une photo sur WhatsApp, les Canadaires tournent toujours au niveau de la déchetterie aux Pennes Mirabeau, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de fumée que tout à l'heure et nous avons reçu les infos comme quoi le feu des Pennes Mirabeau commençait légèrement à régresser ou en tout cas à faiblir en intensité. On a donc 720 pompiers qui sont mobilisés sur l'incendie et en effet le feu est désormais en régression d'intensité. Le préfet indique une superficie parcourue d'environ 700 hectares, ce qui est énorme. Laissez bien libre les accès, restez chez vous, la 55 est donc toujours coupée à la circulation. On va refaire le point avec vous et avec nos journalistes dans quelques instants. 04 42 38 08 08. France Bleu Provence devient Ici Provence. Ce qu'on appelle les dinosaures de Provence et de la Seine-Victoire. En fait, la Seine-Victoire n'existait pas à cette époque-là. Elle est sortie il y a 30 millions d'années. Ici, toute la journée, les femmes et les hommes de Provence. Avant, il n'y avait que des voitures, c'était une catastrophe. Ils ont mis le tram et franchement, ça fait du bien. C'est le top. Et je suis fière d'être marseillaise. Vous écoutez Ici. Ici, le média qui vit comme nous. Comme nous. Ici. Bonjour, c'est votre banque pour une vérification de sécurité. Pouvez-vous me confirmer vos identifiants et mots de passe, s'il vous plaît ? Bien sûr, c'est 2341 VR et le mot de passe... Jamais un conseiller ne vous demandera vos codes, mots de passe ou identifiants bancaires. Il n'en a pas besoin. Alors sur Internet ou par téléphone, ne donnez jamais ces données. Ceci est un message des banques françaises et de la Banque de France. Écoutez Ici, radio officielle du Tour de France, et ne manquez rien de la grande boucle. Bonjour, c'est Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Pendant toute la compétition, je vous retrouve sur votre radio locale, ici, à 9h moins le quart, pour évoquer l'étape du jour. Et aussi chaque après-midi, en direct, un point course toutes les demi-heures. Ici, radio partenaire du Tour de France 2025. Meurtre coups humains, c'est le nouveau polar de Nadine Mousselet. Une révélation. Dans les brumes du Havre, une profileuse cherche l'auteur de crimes terrifiants. Des corps mutilés, déposés au cœur de la ville. Attention, Nadine Mousselet fait déjà peur à des milliers de lecteurs. Meurtre coups humains de Nadine Mousselet, un livre IXO. Bonjour, c'est votre banque pour une vérification de sécurité. Pouvez-vous me confirmer vos identifiants et mots de passe, s'il vous plaît ? Bien sûr, c'est 2341VR et le mot de passe... Jamais un conseiller ne vous demandera vos codes, mots de passe ou identifiant bancaire. Il n'en a pas besoin. Alors sur Internet ou par téléphone, ne donnez jamais ces données. Ceci est un message des banques françaises et de la Banque de France. Sa vie a basculé, comme ça. Lucie ne marchera plus jamais. Et moi, je peux rien y faire. Si. J'ai trouvé le moyen de l'aider en désignant APF France Handicap comme bénéficiaire de mon assurance vie. Cette association accompagne et défend les personnes en situation de handicap depuis 90 ans. Pour Lucie et tant d'autres, il est essentiel de se battre pour leur faire une vraie place dans la société. Demandez la brochure Leg Assurance Vie sur leg.apf-francehandicap.org ou appelez le 01 40 78 69 18. Ici Provence, édition spéciale. Incendie toujours en cours au nord de Marseille. Il s'est propagé, il est parti des Pennes Mirabeau, il s'est propagé à Jasses-de-Rhôde, puis à Verduron, puis à l'Estac. Le 16e arrondissement est confiné. Vous ne pouvez pas y accéder ni en sortir, sauf si les pompiers vous l'ordonnent ou la police vous l'ordonne. Il faut que vous restiez chez vous ou alors à votre travail. Mais n'essayez pas, si vous habitez dans ces quartiers-là du nord de Marseille, le 16e, n'essayez pas de rejoindre pour le moment votre habitation. C'est impossible. D'autant qu'en plus, on a des routes fermé, Prado Carénage, tunnel du Vieux-Port, tunnel de la Majoria, 55 en direction de Martigues, fermé jusqu'au convergent des Pennes Mirabeau, et dans l'autre sens, la 55 est fermée entre ce même convergent et Grand Littoral en direction de Marseille. Prenez donc la 7, mais le mieux c'est de faire de grands détours, soit par Aubagne, soit par la route des Termes, mi-mai, Simiane. 04 42 38 08 08 pour vos infos trafic, vos témoignages en direct. Jessica. On vous retrouve, Jessica. C'était vous qui souhaitiez rentrer à Nîmes par le train, mais comme il n'y a plus de train, eh ben, on se demandait comment faire et j'avais lancé l'appel aux auditeurs pour du covoiturage. Bah, tout à fait. Merci. C'était super rapide. J'ai un certain José qui m'a contacté. Je le rejoins de ce pas à la station Bougainville et il va me rapprocher de Martigues déjà dans un premier temps, ce qui est super. Ah, très bien. Donc, un grand merci. Je ne dormirai pas au bureau ce soir. Ouais. Bouf. Ben voilà, ici Provence, radio d'utilité publique, c'est confirmé grâce à cette solution de Covoit. Merci Jessica de nous avoir tenu au courant. Eh ben, on vous rappelle tout à l'heure sur le trajet pour savoir si l'entente se passe bien avec José, ok? Super, avec plaisir, à tout à l'heure. Merci Jessica. Jenny, bonsoir Jenny. Bonsoir. On vous écoute. Je cherche un covoiturage pour aller à Avignon pour jouer une pièce demain. Il faut que je sois à Avignon à 13h. Ah oui. Le 9 juillet, c'est le grand maximum. Et là, vous êtes où ? Vous êtes où, pardon ? À Marseille ? Je suis à Marseille. Ok. Dans quel quartier ? Je suis dans le premier arrondissement. D'accord, au centre de Marseille. Alors, on va lancer l'appel aux auditeurs. Donc, si vous nous écoutez dans le centre de Marseille, que vous montez sur Avignon, hop, vous prenez Jenny à bord en covoite et avec ici Provence. Le mieux, alors pour le coup, on va vous mettre en relation par WhatsApp. Donc, je vais demander à ceux qui peuvent prendre Jenny de nous envoyer un message sur WhatsApp et comme ça, on vous donnera le numéro. On fait comme ça, Jenny ? Allez, merci, à plus tard. Donc le numéro de ICI Provence, c'est le 04 42 38 08 08. Patrick, bonsoir Patrick. Bonsoir à tous les auditeurs. Je souhaite beaucoup de courage à ceux qui sont dans les incendies. Voilà, je suis retraité, j'ai le permis poids lourd. S'il y a des services de secours qui ont besoin d'un coup de main pour amener du matériel sur les incendies, ouais. Voilà. Donc Patrick, vous êtes tout à fait disposé à venir en aide. Donc voilà, chauffeur poids lourd bénévole, si peut-être. Alors je sais pas, je pense pas que malheureusement que les pompiers puissent nous appeler pour nous dire, mais il y a peut-être des centres communaux, des comités de feux de forêt, voilà, des comités de feux de forêt qui ont peut-être besoin de vous, ou des municipalités. Donc on sait que vous êtes à Marseille, dans quel quartier ? Dans le 13e, voilà, voilà. Il y a l'offre de service de Patrick en direct sur ICI Provence. Merci Patrick, 04 42 38 08 08. Un point sur la circulation avec Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Oui, bonsoir. Donc, c'était pour vous indiquer que je suis sur l'échangeur La Rose pour récupérer la Croix-Rouge Plante de Cuc qui est passée par Mimet, justement. Et donc, la route des Termes. Par la route des Termes, voilà. Et c'est quand même assez saturé aussi. Hein. Ah, c'est vrai. Il y a tout le monde qui s'engorge. Et voilà. Donc, il y a pas mal de monde. Donc, c'est encore roulable, on va dire. Mais bon, je pense que dans pas longtemps, ça va être complètement à l'arrêt. Ok. C'est encore roulable. On va positiver comme ça. Bon, exactement. Courage donc, pour rentrer chez vous. Un petit coucou à mon épouse qui est par contre dans la circulation sur la 7. C'est vrai, ouais. L'embouteillage. Et alors, comme voilà. Vous à Simiane, bon, allez, on espère que vous rejoindrez le pied du pilon du roi sans trop de difficultés. Merci Jean-Louis. Oui, moi j'y habite. Allez, merci, bonne soirée à tous et courage à tous. Vous pouvez aussi nous appeler pour dire toute votre reconnaissance aux pompiers. On compilera ces messages et on leur transmettra bien sûr, donc n'hésitez pas, 04 42 38 08 08 pour intervenir en direct sur l'antenne de Ici Provence. Les vocaux sur WhatsApp aussi, Gaël. Et bonjour, Gaël de Toulon, pour vous signaler sur la 50 un accident à peu près 3 km avant le péage de Bandol dans le sens Marseille vers Toulon. Pour l'instant, les secours sont sur place et il y a bien sûr le patrouilleur et encore un véhicule présent sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà, merci, bonne soirée et bon courage à tous. Merci Gaël pour la note vocale laissée sur WhatsApp, donc à 50, avant le péage de Bandol en direction de Toulon. Eva, bonsoir Eva. Bonsoir. Et vous aussi, vous êtes dans les bouchons. Je vous appelle parce que ça fait 2h15 que je suis dans les bouchons. Et je ne sais pas du tout par où passer. J'étais aux terrasses du port. Et j'aimerais rejoindre Marignane, mais alors par où? Parce que je sais pas, l'Esta qu'ils ont fermé. Oui. Et ils m'ont fait monter par les Égalades, la Calade. Et je sais pas où redescendre pour rejoindre une autoroute si une autoroute est ouverte. Ah, vous connaissez pas très bien le réseau. Ouais. Et si c'est quoi la rue où vous êtes? Vous voyez où vous êtes? C'est quoi? Non, pas du tout. Non. Vous. Je suis au-dessus des Égalades. Bah alors ok, vous allez vers le nord et logiquement vous allez pouvoir récupérer l'autoroute à Saint-Antoine et même aux Égalades d'ailleurs. Mais sinon Saint-Antoine c'est l'hôpital nord. Normalement il doit y avoir des panneaux hôpital nord. Vous suivez cette direction et vous finirez par tomber sur un panneau A7 et là c'est bon, ce sera ouvert. Mais la police m'a dit que c'était fermé. Ah non, l'A7 est ouverte. Ah bon. Alors si vous disent que c'est fermé, à ce moment-là, vous descendez et vous pouvez récupérer l'autoroute. C'est vrai que c'est un peu compliqué entre les voies ferrées, les entrepôts, les rues à sens unique, etc. Redescendre dans le centre-ville et puis reprendre l'autoroute à Saint-Charles, au niveau de la porte d'Aix. J'en ai moins pour 5 heures là, pour Ouais, mais malheureusement, il n'y a pas trop le choix. Hein. On est obligé. Ouais. De toute façon, Lavis, Saint-Louis, tout ça, Notre-Dame. Saint-Louis-Laviste, c'est tout bouché dans les deux sens. On peut perdre jusqu'à 1 heure. Et en effet, ouais, l'idée, c'est. Ah ben, j'ai perdu 1h30 à Saint-Louis, Ouais. Oh là, attendez. Eva, je vous laisse parce qu'on a Florence qui a une info très importante à nous donner. Eva, restez à l'écoute, OK? Et s'il y a autre chose, vous revenez vers nous. Florence, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais vous dire qu'en venant donc de Martigues vers Marseille, ouais. L'autoroute A55 est effectivement coupée par la police, oui. Mais quand on veut continuer par la 7 vers Marseille, c'est aussi coupé. Ah par oui, la police. On le dit, donc, alors on est obligé d'aller vers Lyon. À Vitrolles. Oui, voilà, vous allez en direction de. Oui, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais vous faites bien de nous le rappeler. Ah, d'accord, mais pour ceux qui nous rejoignent. Je n'avais pas compris comme ça, désolé. Mais non, Eva, mais c'est bien. Florence. Comme ça, on peut rappeler l'info. Donc, en effet, le convergent A7 à 55 est fermé quasiment totalement. En fait, ce qui est ouvert, c'est la bretelle dans le sens Martigues-Lyon. Ça, c'est ouvert. Et puis, dans le sens convergent de Septem vers Martigues, c'est ouvert aussi. Donc, quand on vient d'Aix, de Gardanne, de Saint-Antoine ou d'Épennes-Mirabeau et qu'on veut aller vers Martigues, on peut le faire. Tout le reste, c'est fermé. Voilà. Et par contre, la 7, elle est bien ouverte dans les deux sens de circulation, malgré les bouchons. Mais la 7 est bien ouverte. Voilà pour les précisions. Mais elle est ouverte après le convergent. C'est-à-dire que là, de oui. Vitrolles, vous êtes on fait comment pour récupérer Eh bien, vous devez sortir à Vitrolles. Oui. Il y a différents. Vous faites comme si vous alliez à l'aéroport Marseille-Provence. Normalement, à un moment, vous devriez trouver un panneau Marseille. En fait, l'idée, c'est de rebrousser chemin dans le secteur d'IKEA ou des Estroublants. Au pire, si vous allez vers l'aéroport, vous sortez aux Estroublancs, il y a des ronds-points et vous faites demi-tour et vous reprenez la 7 en direction de Marseille. Ah, et là, par contre, on peut passer, d'accord. Ouais. Okay. Très bien. Bon, ben, je pensais vous donner une info, mais c'est vous qui me l'a donnée. Merci mais beaucoup. Mais non, mais vous la rappelez, c'est très bien comme ça, Florence. Pas de souci. Et vous avez eu le bon réflexe de nous appeler. Bonne soirée, bon courage pour rentrer, car vous n'êtes pas encore arrivé. Ouais, merci. Ici Provence, 17h55. Ici Provence, émission spéciale. Émission spéciale. On continue une bonne partie de la soirée, on va pas s'arrêter à 19h, on va continuer au-delà bien sûr à vous accompagner, à vous aider à rentrer à la maison en vous rappelant les différentes consignes. Employeurs, entrepreneurs et travailleurs, même en dehors du secteur confiné c'est le 16e arrondissement, la préfecture vous demande de différer vos déplacements routiers pour ne pas engorger les voies de circulation. Priorité aux forces de secours et des sécurités. Ne roulez pas sur la bande d'arrêt d'urgence, ne roulez pas sur la voie de bus, vous faites la queue comme tout le monde. Donc on rappelle qu'il y a donc des évacuations en cours dans le secteur de l'Estac, de Verduron, toujours Jas de Rhodes. La situation est donc toujours très compliquée, même si le feu est en perte d'intensité. D'ailleurs, ça fait quelques temps, quelques dizaines de minutes qu'on n'a pas eu de vos photos sur WhatsApp. Alors c'est vrai que tout l'après-midi, on voyait ce panache de fumée noire, puis jaune, puis tout gris, etc. Et là, bah, on aimerait bien savoir où ça en est, puisque nous, de notre studio, malheureusement, on ne peut pas voir ce qu'il se passe. On a vu sur des immeubles et sur des arbres qui virevoltent avec le vent, très bien, mais on ne voit pas ce qu'il se passe, nous, depuis notre studio ici, Provence. On a nos reporters sur place, Fred Chapuis et Rémi Inc, bien sûr. Mais vous, vous êtes aux premières loges, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos photos, et moi, j'essaie de vous retranscrire tout ça, de décrire tout ça à l'antenne. Vous nous envoyez les photos, les vidéos sur WhatsApp pour vos inforoutes, vos témoignages aussi, et puis vos messages de remerciements aux pompiers, ça se passe en direct 04 42 38 08 08 ou en note vocale. Avant le journal de 18h, je vous propose de faire un tour d'horizon des bouchons un peu partout dans la région. On va revenir sur Marseille dans un instant. Je vais d'abord évoquer le reste. Sur la Nationale 113, il y avait un accident tout à l'heure à Arles en direction de Nîmes. Ça coince pendant environ une demi-heure quand vous venez de Saint-Martin-de-Crau, donc une demi-heure de bouchons sur la Nationale 113. À l'entrée d'Arles. Aix-en-Provence, la 8 en direction de Nice, entre Aix-Ouest et le Val-Saint-André. Vous mettez environ 25 minutes. La descente de Célonie est ralentie entre Audy-Provence et le Jas de Bouffon. Il n'y a que 5 minutes de ralentissement. La D9 à la Pioline vers Aix, il y a 20 minutes de bouchon. Si vous avez besoin de rejoindre Aix-en-Provence quand vous venez de Martigues, vous devez sortir à l'échangeur Carry ou Lamed, passer par Marignane et prendre la D9. Car vous ne pourrez pas prendre la jonction à 55 à 7 qu'on évoquait à l'instant. Open Mirabeau, c'est fermé. Donc il faut passer par la D9, d'où le fait qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude au niveau de l'aérodrome des Milles. 20 minutes d'attente. La 7 pour quitter Marseille depuis Saint-Charles-Septem, ça se fait en environ 50 minutes dans l'autre sens, direction Marseille, entre la sortie Coca 31 des Pennes Mirabeau et Saint-Antoine. Le trafic est juste ralenti, vous mettez une dizaine de minutes. Et comme vous êtes très nombreux à prendre la 50, et c'est ce qu'il faut faire, il faut prendre la 50 pour quitter Marseille par l'est afin de ne pas encombrer les routes du nord de Marseille, là où il y a l'incendie. Donc vous prenez la 50, mais évidemment, vous êtes très nombreux à passer par là. Il y a environ 3 quarts d'heure de temps de parcours entre Manpenti et Aubagne en direction de Toulon. Dans l'autre sens, entre Aubagne-Pinvert et Camp-Major sur la 501, vous mettez environ 35 minutes. Et sur la 50 en elle-même, entre Aubagne-Sud et la Penne-sur-Yvonne, il y en a pour 25 minutes. La 502 depuis la Bourbonne, 20 grosses minutes d'attente. Parmi les itinéraires bis, il y a la Gineste pour quitter Marseille en direction de Toulon, mais à l'arrivée sur Cassis, vous perdez une dizaine de minutes. Parmi les itinéraires bis, il y a la route des Termes. Pépin, Mimet, Simène Colong, quand vous venez de Marseille, mais c'est un petit peu chargé au niveau de Château-Gombert, Boulevard Barral, l'arrivée à Pont de Cuc. Bon, c'est pas méchant, donc je vous invite quand même à persévérer en passant par là. Pour le secteur de Toulon, il y a un gros bouchon à l'entrée de Sanary en venant de la 50, 20 minutes d'attente, et puis la 57 entre Grand-Var et Solespont en direction de Nice, 10 minutes de ralentissement, ce sont les ralentissements classiques, et on n'oublie pas le golfe de Saint-Tropez, puisqu'il y a des vacanciers qui en profitent, et vous êtes très nombreux dans le golfe. 1h10, nous dit Régine. 1h10 pour faire Aix-la-Pioline, Marseille-Bois-Luzy par Gréas, Cas d'Olive, les Termes de Pépin, Allo et les Olives. Ça roule très bien. Soyez prudents. Ben voilà, la route des Termes dans les deux sens, c'est parfait. Merci Régine pour l'info. Et puis Thomas vient de nous envoyer une nouvelle photo du ciel marseillais. Ben là, c'est plutôt ambiance orange. Donc toute cette fumée qui continue d'envahir le ciel marseillais. Merci beaucoup Thomas pour la photo sur WhatsApp. Kevin Colloc prend le relais jusqu'à 19h. Je vous dis donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, Cédric. Merci beaucoup de nous accompagner sur la route depuis ce début d'après-midi. C'est ça notre mission de service public avec Ici Provence. Être là quand il faut et vous aider avec vos témoignages au 04 42 38 08 08 et via WhatsApp. On va faire évidemment un point complet sur la situation et donc cette édition spéciale qui se poursuit avec vous. C'est Ici Provence. Ici, ICI, une radio, une appli, au cœur de la Provence. Ici Provence. Vous écoutez Ici Provence, il est 18h. Les infos à Marseille, en Provence, Florent Lesseau, et ce chiffre sans doute à retenir, déjà 700 hectares parcourus par l'incendie dans Marseille. Avec un incendie qui restera dans les mémoires des habitants des Peignes, Mirabeau et de Marseille. Un panache de fumée comme on a rarement vu, vous a certainement sidéré depuis 11h ce matin. Le ciel complètement obscurci, des chutes de cendres jusqu'au centre de Marseille. C'est un véhicule en flammes à la jonction des autoroutes A55 et A7 au Peignes-Mirabeau, donc, qui a mis le feu à la colline, poussé par un violent mistral, 80-90 km/h. L'incendie a progressé à une vitesse folle toute l'après-midi, détruisant de la pinède et de la garrigue. C'est vers 15h30 que ce feu est entré dans Marseille, par le nord d'abord, quartier Verduron, avant d'atteindre l'Estac. C'est là où habite Martine. Elle a dû quitter sa maison, écouter son désarroi. On s'est battu depuis 13h30. On a mouillé tout ce qu'on pouvait. On a une piscine, on a ouvert les vannes de la piscine et tout pour mouiller la colline au maximum. On s'est battu jusqu'au bout, mais on a été obligé de partir. On nous a évacués, c'était irrespirable. Les flammes léchaient notre garage. À l'heure qu'il est, nous, on s'en va vers le Rove parce que j'ai mon fils qui habite à Gignac. Enfin, j'ai peur que ma maison brûle. Des petits départs de feu partout au bord de la route. Tout est bloqué. Il y avait des pompiers qui commençaient à éteindre l'incendie d'une maison qui avait pris feu. Et voilà, il y a 45 ans que j'habite là-haut. C'est la première fois que je vois ça. J'espérais. C'est une désolation. Martine, une habitante évacuée de sa maison sur les hauteurs de l'Estac. Le préfet des Bouches-du-Rhône vient donner le bilan toujours provisoire de ce méga-feu. 700 hectares de végétation parcourus par les flammes. Il y a eu de gros moyens aériens toute l'après-midi. 4 canardaires, 3 dashs, 4 hélicoptères bombardiers d'eau. Georges-François Leclerc, le préfet des Bouches-du-Rhône, se montre raisonnablement optimiste pour la suite des opérations. On ne peut pas dire que la situation est figée, la situation est maîtrisée. Pourquoi ? Un, parce que nous avons des moyens importants qui sont engagés. Deux, parce que nous avons plusieurs sapeurs-pompiers qui sont blessés. Neuf, un seul a été évacué. Et je demande à la population de Marseille de rester confinés. Ils sont en sécurité quand ils sont chez eux. Les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers sont en train de défendre Marseille. Je demande à l'ensemble de la population d'être calme. Il ne s'agit pas de prendre sa voiture, il ne s'agit pas d'aller chercher un être cher. Les personnes sont en sécurité chez elles dès lors que les moyens aériens et dès lors que les moyens terrestres sont engagés. Le préfet des Bouches-du-Rhône, micro ici Provence de Rémy Inc. Grâce au travail acharné des pompiers et des marins-pompiers, seules une dizaine d'habitations ont été touchées par les flammes. Mais selon le maire de Marseille, Benoît Payan, une centaine de maisons ont pu être sauvées et aucune victime n'est à déplorer. Le maire de Marseille qui s'attend à une nuit forcément décisive. C'est une guérilla que mène le bataillon de marins-pompiers. Ils ont les lances à la main et ils sont au contact du feu pour protéger les habitantes et les habitants de la ville de Marseille, pour protéger les habitations. Et donc, on est concentré là-dessus. On est en cellule de crise. On ne la quittera pas de la nuit. Tout est stratégie. La vitesse du vent, l'hygrométrie, la tombée de la nuit, c'est extrêmement complexe. C'est un travail extrêmement compliqué et il faut des femmes et des hommes courageux comme nos pompiers pour pouvoir l'accomplir. Le maire de Marseille, Benoît Payan, justement, le Mistral va continuer à souffler jusqu'à 80 km/h, jusqu'à 23h environ, avant de faiblir en cours de nuit, pas plus de 40 km/h. Mais le Mistral s'arrêtera complètement seulement vers 10h demain matin. Le travail des pompiers, des marins-pompiers, est encore donc loin d'être terminé, d'autant qu'à la tombée de la nuit, les moyens aériens ne pourront plus être sur le terrain, seulement les hommes au sol. Un méga-feu qui a forcément des conséquences sur les transports. Lisa Guinic, commençons déjà par ce qui est totalement à l'arrêt. L'aéroport Marseille-Provence à Marignane, fermé depuis midi. On sait que 10 avions ont été déroutés vers Nice, Montpellier ou encore Nîmes. 3 vols ont tout simplement été annulés au départ de Marseille. Concernant les routes, l'A55 est elle aussi totalement inaccessible, fermée jusqu'à nouvel ordre depuis la jonction avec l'A7 et jusqu'à l'entrée de Marseille. L'A50 est aussi bloquée dans le sens Aubagne-Marseille à partir de l'échangeur Florian. Et du côté des trains, Lisa, des conséquences aussi, le trafic ferroviaire est partiellement interrompu. Oui, parce que le feu atteint les abords des voies à l'Estac. Plus de départs et d'arrivées en gare Saint-Charles pour les trains qui circulent depuis ou vers le nord et l'ouest. Les TGV Marseille-Paris sont donc concernés. SNCF Voyageurs demande aux passagers de reporter leur trajet et surtout de ne pas se rendre en gare. On ne sait pas pour le moment quand le trafic reprendra. Vous pouvez annuler ou vous faire rembourser les billets pour les trains grandes lignes. Du côté des TER, la circulation est interrompue entre Marseille et Miramas, ex-TGV via Rognac et Martigues. Trafic arrêté dans les deux sens. Là encore, reportez votre voyage et ne vous rendez pas en gare jusqu'à la fin de la journée. On a aussi des lignes de cars et de bus fermées. Les lignes L25, 35, 36, 95, 96 et 98 du réseau RTM. Les cars 89, 1, 2 et TAD du réseau Salon-Étang-Côte-Bleue sont aussi suspendus. Des lignes sont écourtées. Le Zénibus s'arrête à Fontblanche et le terminus B de la ligne L3 est lui ramené à l'UIT Saint-Jérôme. Enfin, la sécurité est renforcée sur la ligne B2. Elisa, un dernier point sur la route. Oui, la bretelle Dame du tunnel Joliette est fermée à la circulation. Circulation beaucoup trop chargée sur l'axe littoral nord-sud. 3 tunnels sont aussi fermés à Marseille, celui du Vieux-Port, La Major dans le sens sud-nord et Prado-Carénage. Notre reporter sur place, Fred Chapuis, nous disait tout à l'heure que les secteurs de Saint-Antoine, de l'Estac, de Mouropiane, de Saint-Henri, de Saint-André et Septem-les-Vallons sont interdits d'accès. Globalement, il faut éviter le secteur nord de Marseille et on le redit, Florent, rester confiné chez soi finalement. Voilà. Et si on est encore au travail, eh bien, on reste un petit peu sur son lieu de travail pour ne pas se retrouver piégé dans les embouteillages et pour ne pas engorger encore davantage la circulation en attendant évidemment que la situation s'améliore peu à peu. Voilà ce qu'on pouvait dire à 18h08 sur ce méga feu des Peines Mirbeau et du nord de Marseille. Je vous rappelle le dernier bilan, environ 700 hectares parcourus par les flammes. Nous restons à vos côtés, bien entendu, sur Ici Provence pour vous accompagner sur la route, bien entendu. Et vous pouvez continuer, bien sûr, à témoigner, à demander tous les conseils que vous souhaitez au 04 42 38 08 08. Le feu de Marseille et des Peines Mirbeau, on en parle à nouveau dans un instant. Mais tout d'abord, ce résultat pour les amateurs de cyclisme et de Tour de France, puisque c'est Tadej Pogacar, le champion du monde, qui a emporté la 4e étape à Rouen. C'est la 100e victoire de la carrière du Slovène. Le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, lui reste en jaune. La météo 100% locale avec le parc animalier de la Barbin entre Aix et Salon de Provence. 700 animaux, jeux d'eau, ouverts tous les jours. On scrute avec attention les toutes dernières prévisions pour les prochaines heures, Kevin. Avec ce Mistral qui va continuer, il ne devrait faiblir qu'en toute fin de soirée aux alentours de 23h. Des rafales à plus de 90 km/h aujourd'hui. Alors, on dit qu'il va faiblir ce Mistral, certes, mais il va rester encore important jusqu'à la fin de la semaine. Et il va continuer de nous accompagner. On attend une baisse du Mistral pour vendredi, samedi, et donc une remontée des températures, puisqu'on ne dépasse pas les 30 degrés aujourd'hui. On aura à nouveau plus de 30 à 35 degrés pour le week-end à venir. La qualité de l'air est très mauvaise sur Marseille, notamment si vous le pouvez, si vous devez notamment vous déplacer dans le centre-ville de Marseille, pensez à prendre un masque comme en temps de Covid, comme à la bonne époque. Et puis vous pourrez mieux respirer dans le centre-ville de Marseille. Sinon, restez confiné à la maison. C'est le moyen idéal pour éviter de respirer l'air évidemment dégradé par cet incendie et ce nuage gris au-dessus de Marseille qui a recouvert la ville en début d'après-midi du nord comme au sud. et jusqu'à Saint-Gigné où on sent évidemment l'incendie encore à cette heure-ci et peut-être même la cendre qui se dépose actuellement sur votre balcon ou votre terrasse. On partage aussi la route avec vous. Marianne est sur la 55 au niveau des terrasses du port. Bonjour Marianne, bonsoir. C'est tout bouché dans le secteur, hein, vous nous le confirmez ? Absolument. Donc là, dans des terrasses du port à la sortie du port direction centre-ville, j'ai mis plus d'une demi-heure. Ah, et je suis pas encore. Ouais. Donc c'est vraiment totalement à l'arrêt tout autour du vieux port en fait. Et vous allez où sans indiscrétion, Marianne ? Enfin, vous là, rentrez où ? Vers le... Ben, je rentre du côté de la préfecture et donc j'étais à l'hôpital Nord. Sur la 7, ça s'est très bien passé. Et puis quand j'ai pris la bretelle pour récupérer sortie tunnel du Vieux-Port, et là, c'est depuis les terrasses du port jusqu'à maintenant, je sors à peine du tunnel et j'ai mis plus d'une demi-heure. Et rappelons évidemment que le bassin du carénage est fermé à la circulation dans l'autre sens hein, pour récupérer la 55. Ouais. Ça concerne aussi le Prado carénage si vous arrivez depuis la 50. Et donc là, il va falloir être patiente, Marianne, pour rentrer à la maison. Hein. Eh oui, c'est ça. Courage, tenez. Merci. Bon. On est là pour vous accompagner. Merci à vous Marianne au 04 42 38 08 08 au départ de Marseille donc depuis la 7 par Saint-Charles. C'est au minimum une heure et demie en plus sur votre temps de parcours prévu qui est pour l'instant signalé pour remonter la 7 en direction d'Aix et de Lyon. Mais une fois de plus, nous vous le rappelons, si vous pouvez retarder votre déplacement ce soir pour remonter par le nord de Marseille, c'est l'idéal. Si vous devez rejoindre notamment Aix-en-Provence, le plus simple ce soir, c'est de passer par Aubagne, la 50, puis la 52 via la Bouilladis et Fuveaux. Oui, le trajet est long, mais vous arriverez sans doute plus vite et puis surtout, ça permettra aux secours d'intervenir beaucoup plus vite et de ne pas gêner les voies de circulation. Donc sur le nord de Marseille, la 55 fermée dans les deux sens de circulation. Vous pouvez également passer par le Rov, par la D568. Là aussi, vous êtes nombreux et nombreuses depuis l'Estac à avoir quitté le quartier pour vous rendre sur le Rov, Gignac ou en Suez. Mais donc là, ce sont des chemins alternatifs à ne faire que si vous êtes dans les quartiers nord et si, une fois de plus, les secours vous demandent d'évacuer votre habitation, votre lotissement ou votre appartement. La route, c'est aussi via WhatsApp. Vous nous laissez un message vocal. Vous n'hésitez pas à nous dire comment ça circule, notamment sur l'A55. C'est Chris qui nous a envoyé un message vocal il y a quelques instants. Bonjour Chris. Bonjour à tous et bonjour ici Provence. Je vais prendre l'autoroute A55 juste après les pins de Mirabeau. Et le feu est vraiment tout près. J'ai envoyé une photo et le feu est vraiment tout près. J'espère qu'ils ne vont pas couper l'accès à l'A55. À gauche, direction Vitrolles et à droite, direction Martigues. Voilà, moi je prends direction Martigues. Je viens de Gémenos. En passant par Aix, ça roulait nickel et ça a un peu bouchonné avant l'accès à la 55. Et là, en tournant la tête vers ma gauche, là, le feu est vraiment à une centaine de mètres de l'autoroute. Il est vraiment pas loin du tout. Donc, je ne sais pas s'il progresse vers l'autoroute ou s'il est parti de là. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait un petit peu peur quand même. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup Chris, via WhatsApp 04 42 38 08 08. Et c'est vrai que voilà, forcément de la tension, de l'effraiement et de la surprise. On rappelle à 700 hectares pour l'instant parcourus par ce feu aux portes de Marseille qui est entré dans les quartiers nord cet après-midi et qui continue de progresser, même si la situation semble s'améliorer petit à petit. Mais on reste prudent car le Mistral reste activement fort et ce jusqu'en fin de soirée. C'est ici Provence, on est là pour vous accompagner, c'est notre mission de service public. Ici Provence, émission spéciale. Émission spéciale. Avec vos témoignages via WhatsApp, et c'est d'ailleurs via WhatsApp tout à l'heure que Jessica a trouvé son bonheur puisqu'elle cherchait un covoiturage pour rentrer chez elle à la maison. Les trains, nous vous le rappelons, sont pour l'instant à l'arrêt. Au départ, comme elle arrivait en gare de Marseille-Saint-Charles, Jessica a trouvé son bonheur. On prendra de ses nouvelles dans quelques minutes avec son covoitureur. Si vous aussi d'ailleurs, vous devez faire face à cette situation, on peut essayer de vous aider via WhatsApp avec Ici Provence. 04 42 38 08 08. Les Pointer Sisters pour vous accompagner en musique et on fera un point complet sur vos conditions de circulation dans moins de 5 minutes avec vos témoignages également et la situation concernant cet incendie que vous retrouvez en temps réel également en téléchargeant l'application ici sur votre téléphone. Ici Provence, votre radio locale. Vous écoutez la première radio de proximité en Les Bouches-du-Rhône et le Var, ici Provence, au cœur de cet incendie à Marseille, avec vous depuis ce midi. Ici Provence, ici, émission spéciale. Émission spéciale. Notez que la préfecture des Bouches-du-Rhône vient d'activer la cellule nationale Info Public. Vous avez une question en lien avec l'incendie en cours au Penn-Mirabeau. L'Info Public est là pour vous apporter une réponse fiable et personnalisée et pour vous accompagner aussi si vous avez été victime ou que vous êtes des proches de victimes face à cet incendie qui touche donc les Penn-Mirabeau et Marseille. Un numéro, c'est le 09 70 80 90 40. 09 70 80 90 40, c'est donc l'activation de la cellule nationale Info Public par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cet incendie, nous le suivons avec vous au 04 42 38 08 08 et via WhatsApp également. Nous ferons le point complet sur vos conditions de circulation dans quelques minutes. La situation qui se stabilise, qui n'évolue pas dans le pire pour l'instant, mais pas forcément dans le meilleur non plus, car le Mistral, lui, reste fort avec encore des rafales à plus de 90 km/h attendues jusqu'à ce soir. 23h. Voilà pourquoi, pour l'instant, les secours, la préfecture, la mairie de Marseille vous demandent de rester confinés chez vous, de ne surtout pas évacuer si vous voyez les flammes, la fumée approcher de votre maison, de votre appartement, tant que les secours ne sont pas venus taper à votre porte. À ce moment-là, si les secours interviennent, ils vous inviteront et vous accompagneront pour l'évacuation. Écoutons d'ailleurs Michel Amiel, le maire des Penn-Mirabeau, concernant donc ce feu qui s'est déclenché en fin de matinée sur sa commune. Il y a eu un peu de pinède au départ du feu, mais là après c'est surtout de la garrigue hein, qui est avec la sécheresse et le mistral, c'est sec comme de l'étoupe et malheureusement ça brûle. Je ne peux pas vous parler de comment ça va se terminer, mais 10 août 2016, ça avait été encore pire. Si vous voulez, nous, depuis la cruelle expérience du 2016, on avait fait des efforts considérables en matière d'obligation légale de débroussailler. Mais vous savez, la commune de Penn-Mirabeau est à 70% en espace naturel, tout confondu. Et autant on peut, pour défendre justement les biens et les personnes, mais là on est en pleine colline. Alors, il faut le vivre, c'est difficile. Michel Amiel, maire des Penn-Mirabeau, avec ici Provence et avec vos témoignages depuis 13h au 04 42 38 08 08. Réécoutons par exemple le témoignage poignant de Nabila qui nous a appelé face à cette situation alors que l'incendie était tout proche de chez elle. Ils nous ont appelés en fait tout de suite pour nous prévenir qu'il y allait avoir une soit être confiné, soit une évacuation. Donc moi, je me devais en fait de le récupérer malgré le fait qu'il soit confiné. J'ai vu il y avait les pompiers, donc ils étaient vraiment en sécurité. C'est bon, le stress est en train de retomber parce que j'ai pu voir mon fils et que tout allait bien. Mais c'est une situation très très très désagréable. Et donc l'incertitude, ce soir vous ne savez pas où vous tombez. Exactement, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut rentrer ou enfin on ne sait rien pour le moment. Au-delà de ça, madame, la respiration est difficile, la respiration à cause des fumées. Exactement, c'est très très très difficile moi après avec le stress et toute cette fumée. J'ai perdu un petit peu ma voix, mais voilà, après c'est pas. Enfin, moi, tant que j'ai vu mon fils, il allait bien, tout le monde va bien, c'est le plus important. Des propos recueillis par Fred Chapuis, et vous l'entendez, hein, ce vent violent qui parcourt Marseille aujourd'hui et l'ensemble même de la région, avec des pointes à plus de 90 km/h. L'inquiétude qui vous a envahi au nord de Marseille. Écoutez par exemple Martine, elle a dû fuir, elle habite l'Estac. Elle a dû fuir il y a un peu moins d'une heure maintenant face à la situation. J'habite sur les hauteurs de l'Estac. Ah ouais, nous on est là, on a évacué. On s'est battu depuis 13h30 parce qu'on joue sur la colline, donc on a mouillé tout ce qu'on pouvait. On a une piscine, on a ouvert les vannes de la piscine et tout pour mouiller la colline au maximum. Mais on s'est battu jusqu'au bout, mais on a été obligé de partir. On nous a évacué, c'était irrespirable et les flammes léchaient notre garage. Donc à l'heure qu'il est, nous on s'en va vers le Rove parce que j'ai mon fils qui habite à Gignac et on s'en va vers le Rove et je pense que j'ai peur que ma maison brûle en redescendant de la montée. J'habite à la montée Fichou et il y avait la police tout le long, des petits départs de feu partout au bord de la route sur la montée Fichou Et il y avait la police qui faisait sortir les gens des maisons, qui les chargeait dans leurs coffres pour les évacuer, ceux qui n'avaient pas de voiture. Tout est bloqué. Il y avait les pompiers qui commençaient à éteindre l'incendie d'une maison en bas de la montée Pichou qui avait pris feu, qui était en feu. Et voilà, il y a 45 ans que j'habite là-haut, c'est la première fois que je vois ça. Le témoignage glaçant de Martine, évacuée donc chez elle de son lotissement à l'Estaque. Et évidemment, vous habitez le nord de Marseille, vous êtes face à cette situation car le feu, lui, continue d'être actif. Nous sommes là, évidemment, pour partager votre situation, pour témoigner au 04 42 38 08 08 avec nos reporters sur place pour faire face à cette situation. 18h23, on fait le point complet sur vos conditions de circulation. Nous vous rappelons que la 55 est fermée dans les deux sens de circulation entre Marseille et l'échangeur des Pennes Mirabeau, que ça circule sur la 7 mais très difficilement. Comptez au minimum 1h30 en plus sur votre temps de parcours prévu si vous devez notamment rejoindre Marseille dans l'autre sens de circulation. C'est 40 minutes en plus sur votre trajet au départ de Marseille-Saint-Charles. Et puis évidemment le centre-ville de Marseille totalement paralysé car le bassin du Carénage, le tunnel du Vieux-Port, le Prado Carénage sont fermés si vous devez vous rendre vers la 55. Et forcément, bah, c'est une belle pagaille en plein centre-ville de Marseille ce matin. Si vous devez vous rendre sur Aix-en-Provence ce soir, si vous devez récupérer la route pour le nord de Marseille, le plus simple, ça reste de passer par la 50 et par Aubagne ce soir, où la circulation est relativement fluide. Relativement, car évidemment, le trafic est chargé, et ce, dans les deux sens de circulation entre Marseille et Aubagne. Mais une fois passé Aubagne, direction Auriol, la Bouilladis, par la 52, pas de difficultés à vous signaler. En revanche, vous allez rencontrer ce soir, évidemment, des difficultés autour d'Aix-en-Provence, notamment le péage de la Barque. Si vous arrivez par la 52, là, votre temps de parcours va se retrouver rallongé par la 8, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à passer ce soir, évidemment, par là. Du monde. Donc sur la 8 pour contourner Aix-en-Provence, ça concerne aussi pas mal de monde en passant par la D9 ce soir depuis Vitrolles. C'est l'une des meilleures alternatives à vous proposer, même si évidemment chaque soir le secteur de la Pioline et des Milles sature. Bah, ça sature encore un peu plus ce soir, mais ça reste la meilleure solution pour ne pas récupérer ensuite la 7 puis la 51. Vous passez directement par la D9. Vous pouvez aussi le faire, hein, passer actuellement par la 7, puis enjamber la 51. Là, l'échangeur est de 7 thèmes, lui, est ouvert, accessible. D'ailleurs, Jackie nous a envoyé une photo via WhatsApp où effectivement les voies sont chargées, mais vous circulez actuellement. Donc c'est possible, mais sachez que votre temps de parcours sera rallongé car vous êtes des centaines d'automobilistes à descendre sur Marseille ce soir. 04 42 38 08 08, même numéro sur WhatsApp. Le point complet sur vos conditions de circulation toutes les 10 minutes face à cette situation. On est évidemment là pour vous accompagner. J'en profite aussi pour faire un point ce soir sur Toulon où la circulation est correcte, même s'il y a du monde à la sortie de Toulon avec des ralentissements sur l'A57 en direction du Canet des Morts à partir de La Valette. Votre temps de parcours est rallongé d'une dizaine de minutes entre La Valette et Solliès-Pont ce soir. Rien de très méchant, mais voilà votre temps de parcours rallongé. Ça se passe aussi via WhatsApp. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à nous laisser des messages vocaux, écrits, des vidéos. Ils avaient été formidables. Vous avez été vraiment nos témoins, nos reporters sur place face à cet incendie depuis ce midi au Pen Mirabeau et à Marseille. On continue comme ça avec Ici Provence, votre radio locale. On est là pour vous accompagner. Le 16-19 Ici Provence avec la commanderie de Perrassol et son restaurant chez Jeannette, une étoile au guide Michelin. La gastronomie au cœur des vignes et de l'art. Retrouvez-nous sur www.perrassol.com. France Bleu Provence devient Ici Provence. Il y a la plage de la Garonne où on peut aller donc à pied, ça fait aussi une très jolie promenade. Vous êtes ici ? Nous aussi. Ah ben Aiglun, c'est un petit village à quelques kilomètres de Digne. Ça s'appelle Aiglun parce qu'en provençal, c'est le nid de l'aigle. Et on y coule une retraite magnifique, on est tranquille, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'embouteillage. Vous écoutez Ici. Ici, le média qui vit comme nous. Comme nous, ici. Bonjour, c'est votre banque pour une vérification de sécurité. Pouvez-vous me confirmer vos identifiants et mots de passe, s'il vous plaît ? Bien sûr, c'est 2341 VR et le mot de passe... Jamais un conseiller ne vous demandera vos codes, mots de passe ou identifiant bancaire. Il n'en a pas besoin. Alors sur Internet ou par téléphone, ne donnez jamais ces données. Ceci est un message des banques françaises et de la Banque de France. Ici Provence, édition spéciale. Un incendie s'est déclaré, il était aux alentours de 11h, 11h30, au Pen Mirabeau, sur les collines. Vous étiez sur l'A7 en descendant vers Marseille et vous nous avez tout de suite alerté via les réseaux sociaux, via WhatsApp, de ces fumées, de cet incendie qui s'est déclaré, un incendie qui, au fil des heures, a fortement progressé au point d'entrer dans Marseille. L'incendie est toujours en cours dans les quartiers nord, notamment sur le secteur de l'Estac, et nous suivons ça avec vous depuis ce midi, cette situation évidemment inédite car ce panache de fumée ne va que dans une seule direction, le sud, et donc traverse Marseille depuis ce début d'après-midi. Des images impressionnantes que vous avez partagées avec nous sur WhatsApp, ce nuage gris qui a recouvert Marseille en début d'après-midi avec cette cendre qui se dépose également, cette odeur forte aussi qui envahit les rues de Marseille. Vous continuez de partager ces infos avec nous au 04 42 38 08 08. Je vous donne aussi un autre numéro de téléphone, c'est la Cellule Nationale Info Publique. La Cellule Nationale Info Publique, elle a été activée par la préfecture de région pour vous donner une réponse fiable et personnalisée si vous êtes justement victime ou si vous avez des proches qui sont concernés par cet incendie. Le numéro, c'est le 09 70 80 90 40. 09 70 80 90 40 pour cette cellule nationale info publique qui vient d'être activée par la préfecture de région. Frédéric est également avec nous dans le sud de Marseille. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Vous apercevez les fumées, vous aussi, oui, depuis là, le sud descends, là. Oui, là, je suis sur la Chinette, là, et je descends, là, j'arrive sur Marseille, et on voit bien le nuage, hein. Oui, vraiment, c'est impressionnant. Alors, moi, je téléphonais pour dire, j'ai entendu tout à l'heure que Cédric avait conseillé d'utiliser la route de la Chinette, là, pour rejoindre Aubagne. Je confirme, il y a plus de monde que d'habitude, certes, mais ça roule. Voilà, dans le sens Marseille-Cassy, bon, ils attendront, ça ralentira un peu à l'arrivée sur Cassy, mais ça vaut le coup quand même de passer par là, hein, je pense. Effectivement, voilà, ça nous prouve qu'on donne des infos fiables, grâce à Cédric Frémy, chaque soir. Oui. Et dans l'autre sens, en descendant sur Marseille, ça roule, c'est fluide, ça roule parfaitement. Bon, effectivement, voilà. Donc, c'est... Merci en tout cas pour vos conseils, et puis bon courage pour la suite, et merci à tous ceux qui interviennent pour sauver des vies et le patrimoine des gens. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour votre témoignage. Passez une belle soirée avec Ici Provence au 04 42 38 08 08. Comptez une dizaine de minutes en plus en passant par la Gineste pour rejoindre Cassis ce soir, mais c'est pas grand chose hein, finalement face aux difficultés importantes et au minimum une demi-heure en plus sur votre trajet en passant par les autoroutes ce soir pour sortir de Marseille. 18h31. Ici Provence, ici, émission spéciale. Émission spéciale. Avec Florent Lesseau pour faire le point sur la situation, le feu, Florent, toujours actif dans Marseille. Avec déjà 700 hectares de végétation parcourus par les flammes depuis 11h ce matin. C'est un véhicule en flammes à la jonction des autoroutes A55 et A7 au Pen Mirabeau qui a mis le feu à la colline. Poussé par un Mistral à 80-90 km/h, l'incendie a progressé à très grande vitesse, dégageant des fumées impressionnante et détruisant de la pinède et de la garrigue. Le vent qui a entraîné des sautes de feu de 300 mètres par moment. Il a donc fallu réagir très vite et déployer très rapidement de gros moyens, nous raconte le colonel Jean-Luc Beccari à la tête des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Les enjeux au tout début ont été de pouvoir préserver immédiatement les habitations qui étaient dans l'axe du feu, hein, 200 habitations quasiment dans l'axe du feu, un EHPAD également. Sur le plateau, il a atteint une végétation beaucoup plus rase. Il a accéléré et avec ses accélérations par saute, a gagné du terrain par rapport à la montée en puissance des secours. Les conditions météo ne seront pas bonnes pour toute la soirée et pour une grande partie de la nuit. Le colonel Beccari à la tête des pompiers des Bouches-du-Rhône, micro ici Provence de Rémi Inc. 700 pompiers et marins-pompiers se battent toujours contre les flammes. Le préfet des Bouches-du-Rhône annonce que la situation est maîtrisée, mais les heures qui viennent s'annoncent tout de même cruciales. La lutte continue, il ne faut faut surtout rien lâcher, insiste le vice-amiral Lionel Mathieu, commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille. L'urgence, c'est que le feu a atteint la périphérie de Marseille et donc des premières habitations. Et donc l'urgence, c'est protéger ces habitations, hein, ce qu'on appelle protéger les points sensibles. Et donc aujourd'hui, les marins-pompiers sont au cœur des habitations pour les protéger. Donc aujourd'hui, cette stratégie paye puisqu'on épargne de nombreuses habitations où on a évoqué quelques-unes d'entre elles qui malheureusement n'ont pas pu être protégées. Par contre, le risque, c'est bien la poursuite de conditions météorologiques difficiles qui vont probablement permettre au feu de sauter ici et là de quelques mètres, de quelques dizaines de mètres. Et donc, il faudra être réactif pour aller tout de suite tuer ces reprises de feu, qui dans un jardin, qui sur une toiture à proximité d'une habitation. Le feu ne se propage plus en tant que feu groupé et étendu, mais par certains endroits, un certain nombre de points, de sautes continuent d'exister. Et donc, c'est bien face à ça qu'il faut se battre. Voilà, qui est très très clair, le vice-amiral Mathieu, commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille. La lutte continue parce que le Mistral va continuer à souffler à 80 km/h jusqu'à ce soir, 22h, 23h, avant de faiblir en cours de nuit, 40 km/h. Mais à ce moment-là, en pleine nuit, bien sûr, il n'y aura plus de moyens aériens, mais seulement des hommes au sol. Le bilan, donc, toujours provisoire de ce méga-feu, 700 hectares de végétation parcourus par les flammes depuis 11h ce matin, on le rappelle. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande toujours aux Marseillais de rester confinés chez eux, en particulier les habitants du 16e arrondissement. Il demande aussi aux salariés, aux patrons d'entreprises dans les bureaux de rester sur son lieu de travail le plus possible, le temps que les bouchons se résorbent petit à petit. Donc, ne pas forcément prendre la route, notamment au nord de Marseille, pour ne pas se retrouver piégé dans les embouteillages et engorger encore plus le réseau. Seules une dizaine d'habitations ont été touchées par les flammes, mais selon le maire de Marseille, Benoît Payan, une centaine de maisons ont pu être sauvées du feu. Autre chiffre, 9 pompiers ont été blessés et on apprend à l'instant que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se rend sur place ce soir, donc à Marseille. C'est dire si la situation est exceptionnel et reste exceptionnel. Restez bien à l'écoute d'ici Provence. Et nous vous rappelons également que l'aéroport Marseille-Provence est fermé. En tout cas, qu'il n'y a plus aucun vol qui atterrit ou qui décolle depuis ce midi. La reprise progressive est envisagée ce soir. Ça ne reste que du conditionnel. Pour l'instant, les vols arrivant sur Marseille, qui devaient arriver sur Marseille, ont été déroutés sur les aéroports de Lyon et de Montpellier. Notez également que la gare de Marseille-Saint-Charles est elle aussi à l'arrêt. Les TGV arrivant depuis Paris, par exemple, ou de Lille, sont arrêtés en gare d'Avignon-TGV. De là, il faudra prendre un autre moyen de locomotion pour rejoindre le centre-ville de Marseille. Mais donc, pour tous les trains arrivant du nord et de l'ouest qui ont été suspendus une bonne partie de l'après-midi, et même si une reprise était envisagée en ce début de soirée, eh bien pour l'instant, les TGV sont arrêtés à Avignon. Les TER, eux, évidemment, sont fortement retardés à cette heure-ci, voire même carrément supprimés jusqu'à, pour l'instant, au moins 20h sur les dernières infos que nous avons en direction par exemple de Miramas ou d'Avignon Centre. 04 42 38 08 08, même numéro sur WhatsApp pour partager avec vous les infos sur la route et ses difficultés importantes. La 55 est donc fermée encore dans les deux sens de circulation entre Marseille et l'échangeur des Pennes Mirabeau. En revanche, pas de difficultés si vous devez récupérer la 55 en direction de Martigues en passant par Marignane ou via le Rove en cette fin d'après-midi. Mais une fois de plus, si vous pouvez retarder ou différer votre déplacement, c'est l'idéal et ça permettra aux secours d'intervenir le plus rapidement possible. Votre temps de parcours, lui, est rallongé d'au minimum une demi-heure dans le centre-ville de Marseille. C'est évidemment la pagaille dans le centre-ville à cette heure-ci, car vous tentez de récupérer la 50 en direction d'Aubagne pour prendre la 52 pour remonter sur Aix-en-Provence ce soir, ou alors évidemment vous faites le chemin inverse et vous arrivez depuis Vitrolles ou par la 51 avec plan de campagne pour descendre sur Marseille. Et là, c'est un temps de parcours encore impacté en raison de cet incendie. Vous mettez au minimum entre 1 heure et 1 heure et demie en plus sur votre trajet. Le centre-ville de Marseille, donc, fortement impacté en raison notamment de la fermeture du tunnel du Prado, du tunnel du Prado Carénage et du tunnel du Vieux-Port en direction de la 55. Ça impacte aussi le bassin du Carénage et donc évidemment le 7e arrondissement et le secteur du Vieux-Port. 04 42 38 08 08. On fait le point avec vous sur la route. Vous êtes coincé dans les bouchons depuis combien de temps? Est-ce que vous avez trouvé des solutions, des alternatives? On est là pour prendre tous les tips et pour se partager les infos. On est 100% solidaire sur la route. On prendra aussi des nouvelles de Jessica dans quelques minutes qui a trouvé un covoitureur, figurez-vous, pour rentrer à la maison ce soir. On a bien eu de la chance. C'est peut-être aussi votre cas. Vous cherchez quelqu'un pour rentrer ou alors vous proposez carrément à quelqu'un de rentrer à la maison. Vous prenez le même chemin et vous dites que plutôt que de rester au bureau et de dormir sur le fauteuil, bah c'est mieux si on peut aider. On est là avec Ici Provence et c'est ça notre mission de service public avec votre radio locale. Ici Provence, édition spéciale. Et sur place, les reporters de Ici Provence vous suivent depuis cet après-midi sous le Mistral à plus de 90 km/h, frais de Chapuis. Vous êtes au nord de Marseille sur le chemin du littoral, un secteur où les Canadairs survolent encore la zone. Ouais, alors j'ai bougé grâce au scooter Ici Provence, mon cher Kevin, et je me suis déplacé au nord de Marseille, toujours, mais je suis au niveau des Cadenots, précisément à la limite entre les Cadenots et le Jas de Rhodes, pour celles et ceux qui connaissent, pas loin de la décharge déchetterie Veolia. C'est de là où la majorité des villas, la dizaine de villas ont été ou touchées et détruites. C'est dans ce secteur-là. Je vais aller me déplacer dans une maison qui a été totalement détruite dans un petit moment. Je suis avec Claude qui, lui, heureusement pour lui, et on est content, comme beaucoup d'habitants, sa maison n'a pas été touchée. Il a été évacué à la mi-journée et au moment où on parle, il ne sait pas, Claude, s'il va pouvoir retourner chez lui. Bonsoir, Claude. Bonsoir. C'est la grande incertitude pour vous. Oui, tout à fait. Ben là, dernièrement, on a vu un commandant de police qui nous a dit que c'était pas certain qu'on rentre chez nous parce qu'il y a des départs de feu constamment. Et donc, le maire a décidé, avec le préfet et tout ça, peut-être de aller dans le gymnase de Tino Rossi. On est hébergé, quoi. Qui a été mise à disposition. Voilà, tout à fait. Et comme en 2016, le grand incendie de Rognac qui avait frappé déjà, voilà, et qui avait parcouru 2000 hectares et qui avait tout endommagé la colline ici. Et d'ailleurs, on se demande comment ça fait encore pour brûler, parce que sincèrement, d'année en année, c'est un peu difficile. Une question de l'état d'esprit, Claude. Vous en avez vu, vous, votre état d'esprit ce soir? Ben, écoutez-moi, je suis un peu inquiet. Hein. Moi, c'est la maison. Hein. Le premier feu qui est passé, il était complètement à droite. Il a, disons, épargné le lotissement, mais celui-là, il ne faudrait pas qu'il se recentre et qu'il aille directement. Oui, alors je précise aux auditeurs et je vous précise, Kevin, pourquoi Claude dit celui-là est le premier. Il y a eu le premier, mais là, on assiste à une très grande reprise qui inquiète les pompiers. Ils viennent de mettre d'ailleurs les pompiers de gros moyens aériens, notamment déjà deux Canadair qui tournent, et vous les entendez autour de nous, deux Canadair et un hélicoptère. Et ça vous inquiète, cette reprise? Eh bien oui, parce qu'après, les Canadair, arrivés à une certaine heure, ils vont s'arrêter, et après, il n'y a plus que les pompiers. Alors, je sais pas. Voilà, vous préparez une nuit difficile? Ah ben oui, ça me rappelle la nuit de 2016, quoi. Ouais. Voilà. Même si d'aventure vous n'êtes pas autorisé à rentrer chez vous, j'imagine que la nuit sera courte pour vous. Ah ben oui, ben écoutez-moi, je vais être aux nouvelles constamment. J'ai un ami qui est pompier, il me tient un peu au courant. Marin pompier, pardon, et voilà, il est venu tout à l'heure ici. Bon, mais là, il est reparti parce que c'est descendu vers Marseille, vers l'Estac. Voilà. Bon, vous restez confiant quand même? Ah oui, enfin, oui, bien sûr. De toute façon, raisonnablement confiant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, on n'y peut rien. Hein. C'est la loi dans la nature. Hein. Le feu, hein. Le feu et l'eau, on ne peut rien faire. Bon, on va passer les doigts, voilà, pour cette reprise, que ça se passe bien. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Merci. Je vous laisse retourner sur le plateau du coup. Voilà, Kevin, c'était important. Mais voyez, c'est pas malgré le fait que la situation se soit améliorée, c'est loin, très très loin. loin d'être terminée sur ce feu, et en particulier ici au Penmirabeau, sur le quartier du Jas d'Europe. Ouais, et donc Fred, l'info à retenir, c'est qu'après l'accalmie, il y a cette crainte, cette reprise du feu au cœur de là où tout a démarré, au niveau donc du secteur de Jas du Rhône, au Penmirabeau, Florent, une situation forcément qui nous inquiète, comme l'évoquait évidemment notre habitant pour la soirée. Eh bien, ce qu'on vient d'entendre, ça confirme ce que disait il y a un instant le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Peut-être que l'incendie, certes, n'évolue plus comme au cœur de l'après-midi, où il pouvait parcourir 2000 mètres en quelques minutes. Mais attention, la lutte est loin d'être gagnée, à cause donc toujours de ce Mistral. On l'a entendu au micro de Fred Chapuis, toujours très très violent, 80-90 km/h, avec des reprises de feu, des sautes de feu également. Franchement, les marins-pompiers vont rester sur le qui-vive, vont rester mobilisés toute la nuit. Ça, c'est une certitude. J'ajoute, Kevin, qu'un incendie, c'est important aussi pour nos auditeurs varois, un incendie est en cours en ce moment dans l'ouest de Toulon. Ça se passe au niveau de la Villa Cézanne, en Haute-Beauquaire. Le feu de végétation se situe sous les lignes à haute tension. L'électricité risque d'être coupée dans le secteur pour permettre aux pompiers d'intervenir. Donc, au niveau de la Villa Cézanne, à l'ouest de Toulon, des évacuations d'habitations sont également en cours, rue du Gabon, donc à Toulon. Voilà, pour être tout à fait complet. Et si d'ailleurs vous êtes témoin de cette situation à Toulon, là aussi, vous avez la parole. Hein, 04 42 38 08 08, même numéro sur WhatsApp, face à ces départs de feu et ce Mistral très violent aujourd'hui, des rafales à plus de 90 km/h. Et malheureusement, ce Mistral, il va perdurer pendant plusieurs jours, au moins jusqu'à ce week-end, avant de baisser en intensité. Nous vous rappelons que l'aéroport de Marseille-Provence est toujours fermé, en tout cas, aucun vol ne décolle ou n'atterrit. Les vols qui devaient arriver sur Marseille ont été détournés cet après-midi sur Nîmes. Soyez donc prudents si vous devez récupérer quelqu'un à l'aéroport en cet après-midi. Ça concerne aussi les TGV qui arrivent depuis Paris. Ils n'arrivent plus en gare de Marseille-Saint-Charles. Ils s'arrêtent à cette heure-ci en gare d'Avignon-TGV. Les TGV donc arrivant de Paris à Avignon et n'iront pas plus loin. On suit l'évolution de la situation avec vous sur les réseaux sociaux. Vous continuez à nous envoyer vos photos, vos vidéos et vos témoignages. Vous êtes formidables depuis ce midi, face évidemment à cette situation inédite et exceptionnelle. Notre mission de service public, c'est celle-là, être avec vous. On est 100% solidaires et on fait un point complet sur vos conditions de circulation dans moins de 5 minutes avec Ici Provence, face à cet incendie qui est entré dans Marseille en début d'après-midi. Restez confinés, restez à la maison, écoutez votre radio locale, on vous donne toutes les infos, et seulement et si seulement les secours vous le demandent, alors à ce moment-là, vous pourrez évacuer. 35 jours sans voir la terre, purée et mal rasée, on vient de débarquer. Provence avec Axel Bauer. Ici Provence, ici, émission spéciale. Émission spéciale. On est 100% solidaire face à cet incendie qui s'est déclaré en fin de matinée au Pen Mirabeau. On fera évidemment le point complet sur vos conditions de circulation car malheureusement le feu semble reprendre de l'activité, de l'intensité depuis quelques minutes. Et évidemment, on est inquiet car le Mistral reste actif jusqu'en fin de soirée pour l'instant avec des rafales à plus de 90 km/h. Mais ici Provence, c'est aussi de belles histoires qu'on vous raconte depuis cet après-midi face à la situation, aux difficultés de circulation, aux autoroutes complètement fermées. C'est le cas de l'A55 dans les deux sens de circulation entre Marseille et l'échangeur des Pennes Mirabeau, de l'A7 totalement saturée, des trains qui ne circulent plus, des bus qui eux aussi ont pris beaucoup de retard. Eh bien, on essaie de faire comme on peut. Et on a réussi, par exemple, à trouver pour Jessica un covoitureur. C'est José qui vous a récupéré. Salut tous les deux. Vous êtes dans la voiture en moment, José, Jessica, ça se passe comment? Vous êtes où sur la route et surtout, est-ce que le trajet se passe bien, Jessica? Alors, le trajet se passe à merveille. Moi, je voulais juste faire une petite note concernant la situation actuelle. Souvent, dans les situations difficiles, on peut faire naître, on peut voir le pire des hommes, mais c'est aussi, comme vous l'avez bien dit, de belles histoires où on peut voir le meilleur des hommes. Et merci à José pour son élan de générosité. De rien. Qui m'a récupéré son petit colis au passage. Le trajet se passe très très bien. Je laisse la suite à José, je ne sais pas où on est. Alors là, au niveau du trajet, ça va, ça a été un peu chiant, compliqué au niveau de la 7 pour la récupérer au niveau des Arnavaux. Et à l'heure actuelle, on arrive à hauteur de la sortie de la Vera. D'ici 10 minutes, j'aurai un point moins dans la voiture. J'aurai libéré mon siège passager. Vous voyez, l'entente s'est fait rapidement parce que ça taquine déjà. Hein. L'ambiance est excellente, effectivement, dans la voiture. Bon, ça vous redonne le sourire, Jessica. Vous pouvez rentrer à la maison ce soir, a priori, et en plus en bonne compagnie. Tout à fait. Ben, merci à vous et merci à José. Merci José, vous êtes l'ange gardien de Jessica hein, aujourd'hui, vous vous rendez compte? Elle ne vous oubliera jamais. Oui. Ça c'est sûr. Merci tous les deux, faites bonne route ce soir José et Jessica. Voilà, c'est la belle histoire qu'on voulait vous raconter avec Ici Provence. Jessica, elle nous a appelé en fin d'après-midi en nous disant « Mais je suis coincée au bureau, je ne peux plus rentrer, il n'y a plus de transport en commun. Comment je fais pour rentrer à la maison ?» Et grâce à vous, grâce à la solidarité avec WhatsApp, eh bien on a pu échanger. Et donc José s'est proposé de ramener Jessica à la maison et a priori l'ambiance est excellente dans la voiture. On est avec vous évidemment sur la route pour vous accompagner. Thomas est également là au 04 42 38 08 08. Thomas, vous êtes vous sur le secteur du Rove. Donc on est à l'Estac, on est vraiment en plein cœur là de l'incendie. Expliquez-nous. Je suis donc entre Saint-André et le lycée Saint-Exupéry et c'est saturé. Il y a énormément d'incivilité puisque les voitures roulent à double sens, à sens inverse. Et plusieurs camions de pompiers ont été déployés justement pour cette crainte, contre cette crainte des flammes qui vont enfin revenir entre guillemets. Oui, vous allez où vous ce soir? Ben moi j'essaye de rentrer vers Verduron. Ah oui, donc le secteur où malheureusement l'incendie est aussi le plus important. Vous avez une solution de repli sinon, Thomas? On verra, je sais pas. Bon, on va essayer de vous trouver quelqu'un pour vous héberger, sinon ce soir face à cette situation. Dans le centre de Marseille. Ouais, où là vous pouvez récupérer le centre-ville, même si ça va évidemment être aussi compliqué. Oui. Voilà, mais votre temps de parcours va être fortement rallongé, mais vous devriez pouvoir rejoindre le centre-ville de Marseille pour la soirée face à cette situation. Merci beaucoup Thomas d'avoir fait le point avec nous. Courage. Merci. À bientôt avec Ici Provence au 04 42 38 08 08. On fait le point avec vous régulièrement, vos conditions de circulation sur Ici Provence pour témoigner via les réseaux sociaux également. Nous vous rappelons donc que la 55 fermée dans les deux sens de circulation entre Marseille, donc le tunnel du Vieux-Port et l'échangeur des Pennes Mirabeau. S'il vous plaît, laissez la place au secours pour intervenir au maximum. Si vous pouvez retarder votre déplacement, ce sera évidemment l'idéal. N'encombrez pas, comme l'évoquait Thomas il y a quelques instants, les voies de circulation, surtout dans le nord de Marseille, où les pompiers sont en train de combattre ce feu qui malheureusement baissait en intensité depuis maintenant une bonne heure. mais qui semble reprendre vie et surtout qui prend la direction d'installations électriques et notamment de pylônes. Et ça, évidemment, ça inquiète, même si dans certains secteurs, on est préparé. Sachez que l'hôpital Nord, par exemple, a déjà basculé sur un groupe électrogène depuis cet après-midi face à la situation. Mais ce pylône qui prendrait feu et cette électricité qui pourrait évidemment couper le jus dans bon nombre de quartiers marseillais pour votre soirée. On va vous accompagner jusqu'à tard dans la soirée. S'il le faut, on va être là avec vous au 04 42 38 08 08. C'est ici Provence et avec vous à tout moment pour intervenir sur l'antenne. Ici Provence. Pour un été en sécurité, suivez les conseils de la gendarmerie. Sécurisation des grands axes. Comment la gendarmerie anticipe les chassés croisés? Bison futé l'annonce. Week-end rouge sur les routes. La gendarmerie est pleinement mobilisée. Des patrouilles seront positionnées sur les axes les plus fréquentés afin de fluidifier la circulation, intervenir rapidement en cas d'accident et sanctionner les comportements dangereux. Aussi, avant de partir, pensez à vérifier votre véhicule. Pneus, liquide de refroidissement, éclairage, faites des pauses régulières et évitez si possible les départs aux heures de pointe. Au volant, on conduit seulement. Pas de téléphone, ni de prise d'alcool ou de produits stupéfiants. C'est votre vie, celle de vos passagers et des autres conducteurs que vous avez entre les mains. Ici Provence, radio officielle du Marseille Cassis. La course mythique revient le dimanche 26 octobre. Pour cette 46e édition, intégrez l'équipe Piscine Provence et courez avec vos proches, vos amis, votre famille. Cette semaine, Ici Provence vous réserve 5 dossards à vous les jeunes et les étudiants les plus motivés. Prêt à relever le défi? Inscrivez-vous maintenant sur notre site ici.fr/Provence. Face aux fortes chaleurs, le département des Bouches-du-Rhône prend soin des plus fragiles. Si vous avez plus de 60 ans, n'hésitez pas à venir vous rafraîchir dans nos maisons du bel âge. Des espaces climatisés sont à votre disposition. Si vous êtes seul et isolé, manifestez-vous auprès de nos équipes qui prendront régulièrement de vos nouvelles. Rendez-vous sur département13.fr pour trouver la maison du bel âge la plus proche de chez vous. Cet été, le département veille sur vous. Département 13. Ici Provence, ici, émission spéciale. Émission spéciale. 18h56, vous écoutez Ici Provence, votre radio locale. Florent, c'est une nouvelle évidemment qui fait un peu froid dans le dos, mais le feu semble reprendre depuis quelques minutes dans les quartiers nord de Marseille. Voilà, on y reviendra en détail tout à l'heure à 19h. C'est vrai que la situation est loin d'être gagnée pour les marins-pompiers, toujours en lutte, et ça va durer toute la nuit. Avant de faire un point complet à 19h, Kevin, je tenais à vous faire partager le témoignage de trois Marseillaises évacuées cet après-midi sur les hauteurs du quartier Saint-Henri, au-dessus de la cité de la Castellane, dans le 16e arrondissement. Un récit que ces trois Marseillaises, dont une dame de 76 ans, ont livré à nos confrères de l'agence France Presse. Elles déjeunaient tranquillement sur leur terrasse quand elles racontent que leur piscine est devenue verte tout d'un coup. Elles ont compris que le feu arrivait. Et effectivement, elles voient les flammes à ce moment-là. On tournait en rond, on paniquait, on a fermé les fenêtres, on a mis du linge humide sous les portes. À un moment, on a voulu sortir, mais il y avait des étincelles de partout. On avait peur que nos cheveux prennent feu. Le crépitement des flammes tout autour de la maison, c'était vraiment l'horreur. Les voisins avaient des lauriers roses magnifiques sur leur terrasse. Ça brûlait, on avait peur, on s'est vu mourir. On a été encerclés. Puis, disent-elles, les pompiers sont arrivés. Ils sont venus nous chercher. Ils nous ont dit de ne rien prendre. On a laissé nos sacs avec l'argent dedans. La maison était ouverte. Ensuite, on nous a mis dans une ambulance. Puis, des policiers nous ont laissé un rond-point à Marseille. Elles ont juste avec elles leur téléphone et une petite bouteille d'eau. Et enfin, un ami est venu les chercher. Voilà donc ce qu'ont vécu ces trois Marseillaises cet après-midi, quasiment au cœur du brasier sur les hauteurs du quartier Saint-Henri, au-dessus de la cité de la Castellane, mais il y a sûrement d'autres Marseillaises, d'autres Marseillais qui ont vécu ce genre d'angoisse terrible pour cet incendie qui restera dans l'histoire de Marseille et des Peines Mirabeau. Et vous continuez d'ailleurs à témoigner sur WhatsApp 04 42 38 08 08. Je vous laisse entre les mains de Cédric Frémy. On va vous accompagner avec Guylaine également dans quelques instants sur la route vers Martigues et avec Ici Provence. En musique, on vous donne beaucoup de courage. Voici Clara Luciani. Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire. À vous qui êtes sur la route ou alors confiné dans les quartiers nord de Marseille autour de Verduron, de l'Estaque, Saint-André, Saint-Henri. On est de tout cœur à vos côtés. L'édition spéciale de Ici Provence continue. Vos appels, vos inforoutes, vos témoignages 04 42 38 08 08 en direct ou en message vocal, photo ou vidéo sur WhatsApp. Ici ICI, une radio, une appli au cœur de la Provence. Ici Provence. L'édition spéciale de Ici Provence continue. Ici Provence, 19h. Et on fait le point sur ces événements avec Florent Lesseau. À 19h, l'incendie du nord de Marseille est toujours en cours, malheureusement. Je vous rappelle qu'à cette heure-ci, le feu a parcouru 700 hectares et mobilise plus de 720 pompiers, appuyés par 230 engins. Il y a aussi 4 canadaires, un Dash et 4 hélicoptères bombardiers d'eau. Des moyens donc tout à fait exceptionnels pour continuer à lutter contre ce méga-feu. Situation exceptionnelle au point que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu à Marseille dans la soirée Rémy Inc. Oui, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, attendu ici aux alentours de 21h30, selon mes informations. Ici, donc, au poste de commandement où je me trouve, poste de coordination des pompiers qui luttent contre cet incendie. Rappelons également la prise de parole tout à l'heure de Georges-François Leclerc, le préfet de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui demande aux habitants du 16e arrondissement de Marseille et des Pennes-Mirabeau de rester confinés afin d'éviter d'être exposé aux fumées produites par l'incendie. Vous l'avez dit, ce feu qui a parcouru pour le moment 700 hectares, qui a mobilisé plus de 720 pompiers, des centaines d'engins également. Aucune victime civile n'est à déplorer à ce stade. En revanche, 9 pompiers, dont 7 du bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont légèrement blessés. Et à cette heure, au moins une vingtaine d'habitations sont impactées, c'est-à-dire qu'elles ont été touchées par les flammes, à Marseille et au Pennes-Mirabeau. Le préfet qui demande à la population d'avoir confiance dans les moyens engagés. Le maire de Marseille disait sensiblement la même chose. Les pompiers sont en train de protéger la ville, disait tout à l'heure Benoît Payan. Sur le terrain, la situation semble maîtrisée, ça veut dire que le feu ne progresse plus, mais il faut rester très prudent puisque le vent est encore toujours très fort et attise les flammes. Un pompier me disait tout à l'heure qu'il y a eu des sautes de feu gigantesques, parfois 300 mètres. C'est bon, du feu qui fait des sortes de bombes pour prendre finalement à un endroit qui était jusque-là épargné. Je peux vous indiquer également qu'au moins une centaine de personnes ont été évacuées du 16e arrondissement de Marseille et que d'autres évacuations pourraient suivre. Des gymnases ont été ouverts par la municipalité de Marseille. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la liste de ces gymnases ouverts sur le site d'Ici Provence. Merci beaucoup Rémy Inc pour ce point très complet. En direct du poste de commandement des marins-pompiers de Marseille. J'ajoute que la cellule d'information au public de la préfecture est activée désormais. Cellule joignable pour toute information en lien avec l'incendie en cours au 09 70 80 90 40. 09 70 80 90 40. Évidemment, sur Ici Provence, depuis 11h ce matin, on vous parle beaucoup de ce feu gigantesque qui n'est donc pas terminé dans le nord de Marseille. Les marins-pompiers vont lutter toute la nuit. Mais aujourd'hui, c'était une journée à risque élevé de feux de forêt. Et justement, il y a eu d'autres incendies, d'autres départs de feu dans les Bouches-du-Rhône. On fait le point complet avec vous, Lisa Guinic, parce que nos auditeurs ont peut-être vu des flammes, de la fumée ailleurs qu'au Pennes-Mirabeau et à Marseille. Oui, notamment à Lançon-Provence en début d'après-midi. 10 hectares ont brûlé, l'incendie est désormais maîtrisé. 70 pompiers ont été engagés, là aussi avec une vingtaine d'engins et un hélicoptère bombardier d'eau. Le feu est parti d'un mégot, comme à Tarascon. 200 mètres carrés brûlés. Là, on ne connaît pas l'origine de l'incendie à Belcodène. Départ de feu en plein massif en début d'après-midi. Beaucoup de moyens moyens engagés, 115 pompiers de plusieurs casernes, des moyens aériens, un hélicoptère bombardier d'eau, 3 canadaires, un dash. L'incendie est désormais fixé, 4 hectares ont été parcourus. Vous avez aussi peut-être remarqué des incendies à Lambesque, le feu est désormais fixé, 5000 mètres carrés ont brûlé, 200 mètres carrés à Tarascon, pardon, je l'ai déjà dit, c'était le feu parti d'un mégot. Il y a aussi eu un incendie au Rove qui s'est réactivé en lisière du feu, mais qui est désormais maîtrisé. Du côté du Var, on a aussi eu un feu de végétation à Toulon, un feu urbain qui a parcouru quelques hectares. Il s'est propagé sur à peine un hectare. On revient dans les Bouches-du-Rhône, sur la zone de Marseille. Les conditions météo n'aident pas du tout, nous expliquent les pompiers, puisqu'il fait, il y a beaucoup de sécheresse. L'hygrométrie est très basse, on est sous les 20%. Jusqu'à là, maintenant, 19h, on va pas aller au-dessus des 30% ce soir. Il y a aussi beaucoup de vent, des rafales à 80 km/h. Ça va un peu s'affaiblir la nuit prochaine, 40 à 50 km/h. On espère un retour à la normale sur la zone marseillaise vers 9-10 heures demain matin. Voilà, bravo donc encore une fois aux pompiers, aux marins-pompiers qui sont mobilisés aujourd'hui sur plusieurs fronts, ce qui rend leur tâche d'autant plus difficile. Mais donc la plupart, la quasi-totalité de ces incendies ont été rapidement fixés puis maîtrisés. Florent Lesseau, on refait le point encore tout au long de ce début de soirée. Vous revenez un petit peu plus tard dans cette édition spéciale. Maintenant, on va donner la parole aux auditeurs de Ici Provence, toujours pour les inforoutes, pour les témoignages, pour les messages de remerciement et de soutien aux sapeurs-pompiers, aux marins-pompiers. Vous êtes les bienvenus. Donc, on continue notre édition spéciale en direct. 04 42 38 08 08 ou en note vocale sur WhatsApp. Bonsoir Guylaine. Bonsoir. Alors, moi, j'arrive de Vitrolles. Oui. Pardon. J'arrive de Vitrolles. Donc, je suis passée par Saint-Victoré pour éviter le convergent Penn-Mirabeau à 55. Puisque vous voulez aller à Marseille, hein, c'est ça? Ou vous... Non, je vais sur Port-Saint-Louis, moi. Ah, d'accord. Signaler aux gens qui viennent de Vitrolles, Marignane, tout ça, qui vont sur Martigues, tout ça, qu'il faut passer par Saint-Victoré, puis Pas de Lantier, et récupérer Châteauneuf et Martigues, et après, c'est nickel. D'accord, très bien. J'ai pas eu trop de soucis pour faire la route. Et là, vous êtes à Martigues? Je suis à Fosse. À Fosse, vous avez bien roulé ici depuis. J'ai très bien roulé. Ouais. J'ai pas perdu beaucoup de temps sur mon parcours habituel, donc c'est nickel. C'est pour ça que je me spécifie pour les gens qui veulent partir de là-bas. Ok, sans Vitrolles, Martigues, voilà. On peut passer par Saint-Victoré. C'est noté, merci beaucoup Guylaine. Et bon courage aux pompiers, aux Marseillais ce soir. On a une pensée pour eux. Oh oui, complètement. Allez, à bientôt. Sylvie, bonsoir Sylvie. Bonsoir Cédric. Et moi, c'est un petit, si je peux me permettre, un petit coup de gueule. Permettez-vous ce coup de gueule? J'insiste sur le mot que vous ne vouliez pas prononcer. Je sais ce qu'elle va dire et je pense que son coup de gueule est justifié. Allez-y. Non, j'étais à Saint-Barnabé, à un feu rouge, et la voiture de devant, les deux passagers ont jeté les mégots devant moi en même temps, côté gauche, côté droit. Alors voilà, ça m'a vraiment énervé. Ça, j'ai dit bon, il faut que faites attention. Écoutez, mais je sais pas, mettez les mégots, mais c'est complètement irresponsable ce que vous faites. La Yaris noire qui est passée. Enfin bon, peu importe la marque, mais je veux dire, c'est complètement inconscient, quoi. Voilà. Et j'ai pas pu m'empêcher de vous appeler parce que ça m'a vraiment, vraiment touchée. Vous avez tout à fait raison, Sylvie, parce que ce sont des réflexes complètement, excusez-moi l'expression, complètement crétins. Il suffit que par réflexe, on fasse la même chose en bordure de route où la végétation est très sèche. Et voilà, le feu peut partir comme ça et brûler des centaines d'hectares et détruire des maisons, mettre des vies en danger. Donc, vous avez raison, il faut le dire, le répéter. On ne jette en aucun cas ses mégots par la fenêtre de sa voiture. Point final. C'est criminel, même sinon. Même en temps normal, bien sûr. Même en temps normal, évidemment. Ouais. Et a fortiori en plein été. Pour la réaction, mais ça m'a choqué. Je me dis, c'est pas possible. Mais et des adultes, quoi. Je veux dire, bon, c'était pas. Enfin, bon. Voilà, écoutez, hein, c'est comme ça, on ne peut pas malheureusement, mais... En tout cas, nous, c'est notre rôle ici à Issy-Provence de répéter sans arrêt ces messages de responsabilité basique, hein, parce que contrairement à ce que pensent certains Marseillais, certains Provençaux, il n'y a pas que les touristes qui font ces gestes-là. Voilà, il y a aussi des gens de chez nous. Il faut aussi le dire et donc inciter une nouvelle fois à la prudence, à la vigilance et à ne pas faire n'importe quoi. Sylvie, vous êtes dans le 12e à Marseille. Vous êtes où là? À Saint-Barnabé? Là, je suis à Saint-Barnabé, oui, c'est tout à fait fluide. Par contre, je viens d'Anville, là, c'est un petit peu moins rue Paradis, c'est un petit peu bloqué. Ouais. Mais j'ai pu la Canebière impeccable, j'ai remonté les 5 avenues et des réformés 5 avenues, Blancard, c'est vraiment très, très, très fluide. Et du 12e arrondissement, ouais. Est-ce que vous voyez encore de la fumée, Sylvie? Honnêtement, non. Ah, donc ça va mieux que cet après-midi, quand même. Comme quoi, la situation, ouais. Peu à peu... redevient entre guillemets ouais. À la normale, c'est pas la folie de cet après-midi quoi. Non, si je peux me permettre, il y a énormément de vent, mais un ciel bleu, voilà, mais pas la moindre fumée. Bah, tant mieux. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle que vous nous donnez. Complètement. Et en tout cas, bon, je suis de tout cœur avec les pompiers. C'est incroyable ce qu'ils font. On a besoin de vous. Et dans les voitures, on met de l'eau et de l'huile. Parce qu'apparemment, cet incendie a été provoqué par une voiture qui a pris feu. Oui. C'est ce qu'on... Voilà. Oui, c'est vrai. L'intersection de la 55 et de la 7 au Pays de Mirabeau. Voilà, la voiture a mis le feu à la colline. Oui. Voilà, et bon courage à tous les habitants du 16e, du 15e. Voilà, les pompiers sont là. Enfin, bon, j'espère que ça va un petit peu s'améliorer. Mais c'est une situation vraiment, enfin, jamais je les remercierai assez. Ils sont vraiment formidables. Vous avez tout à fait raison. Voilà, je voulais juste, ce petit coup de gueule, je ne suis pas comme ça. Mais... Petit coup de gueule et petit coup de cœur pour les pompiers, les marins-pompiers, donc. Merci beaucoup, Sylvie. Un gros énorme. C'est moi qui vous remercie. Continuez comme ça. Vous êtes, c'est bête de dire formidable. C'est pas des mots, c'est vraiment sincère, quoi. Continuez. On a besoin de vous. Merci. Dans ces cas-là. Si, Sylvie, on est là pour ça et on se mobilise, merci. Évidemment, et on continue de le faire, sur votre radio locale ici, Provence, toujours en situation de crise. Dans un instant, Daniel, vous continuez d'appeler ici, Provence, pour témoigner, passer vos coups de gueule ou vos coups de cœur pour les pompiers, leur dire toute votre reconnaissance pour l'inforoute aussi, vos demandes d'hébergement ou de covoiturage ou d'information, on est là aussi pour y répondre. 04 42 38 08 08. D'abord, la circulation ici Provence, 19h12, on va aussi refaire un point sur la météo. Nous vous rappelons que le tunnel Prado-Carénage en venant d'Aubagne est fermé, ainsi que le tunnel du Vieux-Port toujours en venant d'Aubagne, ainsi que le tunnel de la Major et la 55 qui est fermée jusqu'au convergent à 7 à 55 d'Épennes-Mirabeau. Donc ça c'est en direction de Martigues. Dans l'autre sens, en venant de Martigues, la jonction A7 à 55 est fermée. Vous ne pouvez pas aller vers l'Estac, vous ne pouvez pas aller vers Aix, vous ne pouvez pas aller vers le convergent de Septem. En revanche, en venant de Martigues, vous pouvez aller vers Lyon. Donc voilà, vous allez devoir sortir ensuite au niveau de l'aéroport Marseille-Provence, la sortie aéroport Marseille-Provence au niveau de Vitrolles. Et puis l'idée, c'est de faire demi-tour le plus tôt possible. Au pire, si vous ne savez pas trop où aller, allez en direction de l'aéroport, il y aura une sortie Les Estroublants, vous la prenez, vous faites deux tours de rond-point et hop, vous retournez dans l'autre sens en direction de Marseille si vous devez rejoindre Marseille. Sachant que l'A7 est un petit peu embouteillée au niveau du tunnel des Pennes Mirabeau jusqu'à la sortie 31 Coca des Pennes. Là, on a 10 minutes de bouchon et après, ça roule très bien jusqu'au centre de Marseille. Si vous quittez Marseille par la 7 depuis Saint-Charles, vous allez mettre une bonne heure entre Saint-Charles et la sortie 31 des Pennes-Mirabeau. Donc une bonne heure pour faire tout ça. La L2 est forcément impactée à partir du Merlan avec 10 minutes d'attente. Vous êtes très nombreux et c'est normal à prendre la 50 car nous vous demandons, nous, la radio et la préfecture surtout, nous vous demandons de prendre la 50, de quitter Marseille par l'autoroute Est. Et il y a encore un petit embouteillage d'une quinzaine, vingtaine de minutes en direction d'Aubagne, quinzaine maintenant, entre Pologne et La Pomme. Et après, c'est juste dense entre La Penne et Aubagne dans les deux sens. Parmi les itinéraires bis, il y a la Gineste pour quitter Marseille. Il n'y a plus de bouchons à Cassis. Il y a aussi la route des Termes, donc Plan de Cuques, allô Plan de Cuques, route des Termes. Vous arrivez à Pépin, Cadolive, Mimes, Simiane. Là aussi, ça se passe très bien, il n'y a aucun problème de circulation. Nous vous rappelons aussi que vous ne pouvez pas vous rendre dans les quartiers Saint-André, Saint-Henri, Verduron, Saint-Antoine. Voilà, la circulation est bloquée, d'où tous les bouchons que nous avons dans le secteur de Saint-Louis, en venant de la rue de Lyon. Alors, si vous vous retrouvez dans ces embouteillages et que vous ne connaissez pas trop, l'idée, en fait, ce serait peut-être de redescendre en ville pour reprendre l'autoroute, soit à 7, soit à la 50. Voilà, rejoignez le centre-ville, descendez pour mieux remonter par l'autoroute. Car sinon, vous allez être bloqué dans toutes les rues autour de la Cabucelle, de Saint-Louis. Là, c'est vraiment la grosse galère de sortir de là. Il y a aussi un problème à Arles. On n'est pas sur la Nationale 113, mais sur le contournement, la D570, c'est la route d'Avignon. Il y a peut-être un accident ou quelque chose qui provoque en tout cas un bouchon dans les deux sens de circulation. 10 minutes d'attente, vous pouvez nous dire ce qu'il se passe. 04 42 38 08 08. Ici Provence, ici, émission spéciale. Émission spéciale. Vos appels en direct, 04 42 38 08 08 ou vos messages vocaux sur WhatsApp. On retourne au standard de Ici Provence avec Océane. Bonsoir Océane. Oui, bonsoir. C'est juste pour dire une inforoute. En fait, moi je viens de Gardanne. Donc ceux qui viennent de Aix, qui vont sur Marseille, vous pouvez prendre les itinéraires en direction de Saint-Antoine vers Notre-Dame limite et tout. Il y a personne sur la route. Que si au cas où l'autoroute est bouchée. Alors, en l'occurrence, elle n'est pas bouchée. On peut, la 51 et la 7, ça roule nickel en direction de Marseille. Mais en effet, aussi le réseau secondaire via Septem, Notre-Dame limite, voilà. Pas de problème. Moi, je viens de le prendre de là maintenant parce que là, je suis au niveau de Saint-Antoine et il y avait personne. D'accord. Et vous reprenez l'autoroute à Saint-Antoine pour descendre? Pas du tout, je reste sur Marseille. D'accord, mais ok. Je reste à Saint-Antoine. Et alors, quelle est la situation là? Qu'est-ce que vous voyez? Là, j'ai vu deux Canadair parce que je suis passée où il y a le pont en bas de l'hôpital Nord. Ouais. Et j'ai vu deux Canadair tourner. D'accord, et au niveau de la fumée, de la couleur du ciel? Le ciel est bleu, mais la fumée, elle est un peu épaisse quand même. Ouais. On la voit encore un peu. D'accord, et vous avez vu des forces de l'ordre barrer la route à un endroit ou un autre? Pas du tout, j'ai vu personne. Ok. Moi, je viens de Gardanne, je suis passée par derrière pour les petites routes et j'ai vu personne. C'est D'accord. Pour ça que je préfère vous le dire. Le message est passé. Merci et beaucoup. Et en même temps, je fais un petit bisou à mon papa qui est pompier. Je ne sais pas s'il va écouter ou pas, mais il n'est pas sur le feu. Bon, et il est où, lui? Elle est où, sa caserne? À Châteauneuf-les-Martigny. D'accord, on lui souhaite la plus grande vigilance et à tous les pompiers, oui. Tout notre soutien. On leur fait un gros soutien. Ouais, travail formidable, ils ont beaucoup de courage. Merci Océane pour votre appel. Bonne soirée. Et vous aussi, merci d'écouter Ici Provence. Vous continuez de nous joindre au 04 42 38 08 08. Il y a Soline qui nous demande sur WhatsApp pour aller de Martigues à Marseille, comment puis-je faire? Quelles autoroutes sont ouvertes en vous remerciant par avance? Alors, vous allez prendre la 55 depuis Martigues, sortir à La Mède, traverser Châteauneuf-les-Martigues, puis Marignane et récupérer l'autoroute A7 au niveau de Ikea Vitrolles. Et en direction de Marseille, vous n'aurez pas trop de problèmes, il faut passer par là. Vous ne pourrez pas prendre la 55 en direction de l'Estaque, c'est fermé. Il y a toujours donc le secteur de l'Estaque confiné, donc on ne peut pas rentrer. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'embouteillage au niveau du Rove. Entre le Rove et l'Estaque, il n'y a plus de bouchons puisque plus personne ne peut passer par là. Donc il faut faire un détour par Marignane depuis Martigues. Voilà pour la réponse que je peux vous apporter. Soline, message vocal de Nour, laissé sur WhatsApp. Oui, bonsoir, Nordine de Tretz. Juste un petit message à ceux qui fument. Tout simple, une astuce, franchement, c'est rapide et c'est simple. Vous mettez une petite bouteille sur le côté de la voiture et quand vous fumez, au lieu de la jeter par la fenêtre, vous la mettez dans la bouteille. Et moi, en général, je fais ça et je change la bouteille chaque semaine. Voilà, après, si tout le monde fait un petit geste comme ça, on va s'en sortir. Bonne soirée. Merci beaucoup Nordine de Tretz pour le conseil et voilà ce qu'il faut faire si vous fumez à bord de votre voiture afin de ne pas jeter le mégot qui bien souvent malheureusement surtout en cette saison provoque de terribles incendies, même si celui d'aujourd'hui au Pen Mirabeau a été provoqué par une voiture en feu le long de la bretelle reliant la 55 Martigues à la 7 en direction d'Aix-en-Provence. On a de nouveau Laetitia qui nous envoie, Laetitia qui est un peu notre auditrice Felfi fil rouge hein, depuis le début de l'après-midi, qui sur WhatsApp nous envoie de nouvelles photos. Elle est à Verduron, donc au nord de l'Estac, à la limite communale finalement entre Marseille et les Pennes-Mirabeau. Et le ciel est toujours... Alors oui, le ciel est bleu, mais les fumées sont toujours aussi noires. Et elles sont de plus en plus grosses, ces fumées. Ça s'était calmé, puis là, depuis quelques dizaines de minutes, ça a repris. Donc situation vraiment très inquiétante. Laetitia, on va essayer de vous rappeler pour que vous puissiez de nouveau témoigner en direct. Il y a Philippe qui est en direct, lui aussi au 04 42 38 08 08. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Depuis Salon de Provence. Voilà, je voulais apporter mon soutien à l'ensemble des personnes qui ont été sinistrées. Apporter aussi mon soutien au personnel des secours, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers et les pompiers du ciel. Oui. Voilà, et aussi féliciter les résidents, c'est-à-dire les avocats communaux de la réserve de la sécurité civile, la Croix-Rouge, et les anciens sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, qui apportent une aide logistique pour les résidents comme pour les personnels de secours. Vous, Philippe, vous êtes dans ce milieu-là ou juste simple citoyen comme moi? J'étais dans ce milieu-là il y a quelques temps de salariat. J'étais ancien sapeur-pompier des Bouches-du-Rhône. Ouais. J'ai fait 35 ans et je vous suis assez régulièrement sur ICI Provence. Et voilà, je voulais apporter mon soutien pour dire qu'on n'oublie pas, j'oublie pas ceux qui sont sur le terrain. Et voilà. Qu'est-ce que vous ressentez là depuis ce matin, depuis ce midi? Beaucoup de tristesse parce que c'est un des nombreux joyaux de la Provence qui est pas en fumée. Parce que la forêt méditerranéenne, pour moi, c'est un poumon. Et ça fait... On laisse les générations qui vont arriver par la suite, ils vont voir tout ça, et ils vont dire, voyons, c'est pas un joli cadeau que ceux qui étaient avant nous vous font. Oh non. Merci Philippe pour le message, pour le soutien aux secouristes. Et puis, bah, vous restez à l'écoute de ICI Provence. Je sais que vous êtes un auditeur fidèle depuis Salon de Provence. À bientôt, Philippe. Fred à Jouc. Bonsoir, Fred. Oui, bonsoir. Vous aussi, vous voulez adresser votre message de soutien? Ouais, c'est ça. Bah, je voulais féliciter évidemment tous les pompiers engagés qui font leur job fantastique. Et puis, je voulais aussi, surtout, penser aux gars de la Dire Méditerranée qui ont fermé toutes les autoroutes, qui sont là depuis ce matin. Et sans eux, ben, il n'y a rien qui se passe. On parle beaucoup des pompiers, qui font un super boulot, c'est clair. Et l'autoroute, elle ne s'éteint pas toute seule. Hein. Donc, il y a tous les agents de la Dire Méditerranée qui sont engagés sur le secteur. Là, ils vont partir à 21h. Il y a d'autres équipes qui vont arriver. Et donc, il n'y a pas que les pompiers qui sont sur ce qui est la police qui sont sur le secteur. Il y a aussi tous les agents des autoroutes qui sont là et qui font leur job. Quoi. Voilà. Ce que je voulais juste dire. Nous, on est des hommes invisibles. On ne nous voit pas. On ne parle jamais de nous, mais on est là. Quoi. Et vous travaillez au sein de la Diarmed? Ouais, carrément, ouais, je suis un patrouilleur. Ouais. Voilà, donc vous avez votre camion, il est orange, hein, je crois, la Diarmed. Ouais, vous avez les plots, ouais. Et puis vous risquez votre vie, puisqu'il y a souvent des gens qui roulent bien trop vite à l'approche de lieux d'accident. Et en effet, c'est comme ça, nous, on est des hommes invisibles, on ne nous voit pas sur l'autoroute. C'est pour ça qu'on a autant de fourgons qui sont éclatés, parce que les gens ne voient pas. Quoi. Donc, voilà. Bah merci de penser pour les collègues qui sont sur le secteur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci d'avoir mis en avant le travail de vos collègues. Et puis on remercie aussi les agents de la Diarmed puisque c'est grâce à vous que nous recevons toutes ces informations route. Donc merci beaucoup Fred et à bientôt à Jouc. Sophie depuis Marseille. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors, de votre côté, ouais, on vous entend et vous voulez rentrer à Martigues? Absolument, et je me trouve quelque peu dépourvue parce que j'avais un rendez-vous médical et quand je suis sortie, j'ai bien cru comprendre que tout était bouché pour quitter Marseille. J'ai fait appel au numéro national, ouais, qui me conseille en fait de partir sur Aubagne, ouais, et de rejoindre Aix et après de reprendre la 8 jusqu'à Salon de Provence. Oula, sauf que la 50 qui mène à Aubagne, oui, est déjà saturée. Bah, donc, ne l'est plus, elle est juste ralentie maintenant. Elle est juste ralentie. Oui, ça va mieux, la 50, en quittant Marseille. Il n'y a plus que 10 minutes de ralentissement, ce qui n'est rien finalement, entre Pologne et la Pomme. Voilà, donc ça va beaucoup mieux sur la 50. Par contre, en effet, la 7 en direction de Lyon, entre Saint-Charles et la sortie 31 des Pennes-Mirabeau, il y a environ 1h15 de temps de parcours en direction de Lyon. Parce qu'il serait donc préférable de passer par Aubagne et ensuite Aix-en-Provence. Ce sont les recommandations, en effet, des autorités de la préfecture. Mais vous êtes où à Marseille ? En plein centre, à côté de l'hôpital de la Timone. Ah oui, bon, en effet, bah, cherchez pas, à 50, voilà. À 50, ouais. Le détour par Aubagne, par Aix-en-Provence. Vous prenez la D9, ensuite, comme ça, vous serez sûr de rejoindre Marignane, puis Martigues. Voilà, ne faites pas le détour par Salon, par contre, ce sera un peu trop long. Donc, D9, vous prenez la route de la gare TGV, vous savez la prendre, depuis Aix. Je pense. Ouais. Eh bien, vous verrez, quand vous arriverez à Aix de Daubagne sur la 8, vous suivrez la direction Marseille-Aix-TGV. Et une fois que vous serez sur la 51, et ben c'est juste après, c'est la sortie L'Émile, il y a marqué Aix-TGV, vous passez par là et vous suivez ensuite, au-delà de Aix-TGV, vous irez en direction de Marignane, puis de Martigues. Voilà. Très bien. quoi qu'il en soit, j'aimerais quand même être certaine. Une policière que je viens de rencontrer là, m'a dit que la A7 avait été rouverte. La 7 a toujours été ouverte, elle n'a jamais été fermée. C'est la 55 qui est fermée et c'est la jonction entre la 55 et la 7 dans le sens Marseille, pardon, dans le sens Martigues, Marseille-Nord, qui elle est fermée. Mais alors, dans l'autre sens, je pourrais la prendre, non ? C'est vrai que c'est ouvert, oui, mais si vous êtes à la Timone, vu qu'il y a 1h15 de bouchon, je vous déconseille de passer par là. Voilà, on va faire comme le dit la préfecture et les autorités, de passer par Aubagne. Mm-hmm. Ok. Bon, ben, tout est très clair. Je vais récupérer la 50 et puis aller jusqu'à Aubagne et faire le petit détour. Enfin, voilà. Merci Sophie d'avoir appelé ici Provence pour cette demande d'itinéraire. Voilà, vous faites comme Sophie, on est là pour vous aider. On a vraiment bousculé nos programmes depuis le début de l'après-midi. On continue de le faire en ce début de soirée. 04 42 38 08 08 en direct ou sur WhatsApp. Ici Provence, ici, émission spéciale. Émission spéciale. L'incendie à Marseille, Les Pennes Mirabeau, Jas de Rhodes, Verduron, Lestac, qui reprend de plus belle côté Les Pennes Mirabeau, avec d'importants panaches de fumée, c'est de pire en pire, ça s'est calmé, ça reprend de plus belle. Nous continuons de surveiller la situation ensemble. Avant de vous redonner les consignes de sécurité et de refaire un point sur le trafic, il y a Laurence qui est à Arles. Tout à l'heure, j'évoquais un problème à Arles, vous êtes sur place. Bonsoir Laurence et merci de nous appeler. Oui, bonsoir, je sortais d'Arles, j'allais en direction de Tarascon, effectivement la départementale est bouchée. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je conseille donc aux auditeurs qui doivent sortir d'Arles par la zone, par la sortie nord, qu'ils prennent la petite route de Tarascon, c'est celle que je suis en train d'emprunter. Mmh. Petite route de Tarascon, la route des Cigonaux, c'est bien connu des gens du coin, voilà. Ouais. Donc moi j'ai écouté votre info, du coup je me suis arrêtée, j'ai effectivement regardé sur Oise, pour ne pas le citer, et effectivement il y avait une bouchon signalée, donc il faut prendre la petite route de Tarascon, et on arrive sur Tarascon direct au moins. Après je ne sais pas quel niveau c'est, je ne sais pas si c'est appris sur Avignon ou la route d'Avignon, mais je pense au moins que c'est jusqu'à Tarascon parce qu'il y avait le bouchon. Mmh, voilà. Bon, visiblement c'est au niveau du château de Viguier que ça se passe, oui, sur la D570, ben oui, voilà, en direction de Tarascon, en venant d'Arles, on a 10 minutes de bouchon. Voilà, il faut prendre la petite route de Tarascon, maintenant elle a été élargie en plus, c'est une route qui est très praticable, et voilà, donc je conseille aux auditeurs qui doivent sortir d'Arles de passer par là. Merci Laurence pour cette info à Arles et rentrez bien à Tarascon. 04 42 38 08 08 en direct pour vos inforoutes, vos témoignages de soutien auprès des pompiers et également pour vos coups de gueule, notamment tous ceux qui jettent leur mégot par la fenêtre. On continue de vous entendre à ce sujet. Je dois vous dire aussi que demain nous serons bien sûr en matinale spéciale ici matin, édition spéciale entre 6h et 9h avec de nombreux invités dont le maire de Marseille, Benoît Payan, qui répondra à nos questions, puis vous pourrez de nouveau vous exprimer sur ces terribles incendies. Il y a Ali qui nous envoie un message sur WhatsApp. Coupure d'électricité au plan des Pennes et aux Pennes Mirabeau. Il y a Philippe qui nous envoie une vidéo de l'endroit d'où c'est quasiment parti. Ah ouais, alors, ok. Donc je vois la vidéo en même temps que je vous la décris. C'était visiblement en début d'après-midi. Il était au bord de... ou en fin de matinée plutôt. Il était au bord de l'autoroute et il commençait à voir les hélicoptères déverser un peu d'eau sur la voiture en feu. Voilà, donc merci beaucoup Philippe pour cette vidéo. Fred Chapuis en direct. Vous êtes au Pennes Mirabeau toujours, Fred, ou à l'Estac? Vous êtes où? Toujours au Pennes Mirabeau, Cédric, du côté du Jas de Rhodes. Le secteur, pour le moment, avec le Verduron à Marseille, le plus impacté par cet incendie, et avec de nombreuses reprises, à tel point qu'on vient d'apprendre. Je suis avec Nabil, un habitant, je vais vous le présenter, mais on vient d'apprendre. Police vient de nous demander d'évacuer là où on est. On est à côté des Cadenots, entre les Cadenots, pour faire simple, le stade des Cadenots de rugby, et le quartier du Jas de Rhodes, et le lycée, effectivement, Louis Aragon, qui est juste en face de nous, qui avait brûlé en 2016, d'ailleurs, petite anecdote précise. Je suis donc avec Nabil. Bonsoir Nabil. Bonsoir. Bon, vous faites comme moi, comme tous les habitants de Jasses-de-Rhôde. Vous êtes résidence Les Cadenots, les collines des Cadenots, et vous ne passerez pas la nuit chez vous. Non, du tout. Je viens d'appeler mon assurance pour leur demander une prise en charge. J'ai découvert un peu au milieu d'après-midi l'état du Jasses-de-Rhôde. Je ne savais pas. Je travaille ce matin. On m'a dit qu'il y avait un petit départ d'incendie, je pensais qu'il allait être contrôlé. Et en fait, plus le vent a grandi, plus ça a avancé. Et plus on m'a dit que ça devenait un petit peu risqué. Donc voilà, donc j'ai évacué femme, enfant. Et là, je suis venu pour essayer de sauver quelques vêtements, voir un petit peu l'état des lieux quand même pour assurer ma femme. Et là, à l'instant, on vient de nous demander avec le journaliste d'évacuer les lieux. Donc le feu est en train de tourner, le vent tourne et il risque de venir vers nous. En fait. On en est déjà à deux reprises ici sur la Jasses du Rhône. J'en ai décrit une précédemment. Il y en a une deuxième juste à côté, Cédric, pour vous donner à voir, pour faire simple. Vous allez dormir où concrètement, Nabil, ce soir? Comme vous avez pu le voir, j'attends l'appel en direct de la Maïve qui me dit qu'ils vont me prendre en charge et ils vont me trouver un logement pour ce soir, pour moi et ma famille. Très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez dit que... Est-ce que vous avez pu retourner chez vous, savoir à quoi ressemble votre maison après le passage de l'incendie? Pour le moment, rien n'est touché chez nous. Il y a eu peut-être un ou deux départs d'un ou deux palmiers, mais rien de grave. Tout va bien, sauf aux alentours de la résidence. La pinède est brûlée. Voilà, toute la pinède est brûlée. La résidence n'est pas touchée, mais bon, a priori, ça s'accentue et on verra cette nuit. Cette nuit va être décisive pour nous. L'état d'esprit dans les prochaines heures, justement, Nabil? On va dire que j'ai connu pire. Ouais. Donc, moi, ça va. Mais d'autres, ça va. Ouais. On sent que c'est extrêmement tendu ici. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. Vous savez, nous, là, ici, tout ce qu'on a bâti pendant des années est là, en fait, est là, sous nos yeux, et va dépendre des prochaines heures. Donc, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On espère que les assurances joueront le jeu si gravité il y a. Donc, là, c'est l'inconnu pendant 10 heures. Là, donc, on ne sait pas du tout où on va. Voilà, je crois que ça résume parfaitement l'état d'esprit de tout le monde ici au Jasses-de-Rhôde, au Pen Mirabeau. Cédric, c'était important d'entendre Nabil, et qui représente l'ensemble des habitants. L'inconnu ce soir, évacué et empêché de retourner chez eux ce soir pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Chacun va essayer de s'organiser, ou en famille, ou à la Saltino Rossi. La mairie d'Epen Mirabeau a ouvert la Saltino Rossi un peu plus bas sur la commune, ou alors à l'hôtel, en fonction des prises en charge des assurances. Merci beaucoup, Nabil. Si je peux rajouter juste une chose, n'hésitez pas, appelez vos assurances. On paye toute l'année pour ça, toute notre vie au final. Contactez-les, n'ayez pas peur, ne vous dites pas que c'est que pour les autres. Ils sont là et très souvent ça joue le jeu, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un excellent conseil, non, Cédric, que vient de donner Nabil? Complètement. Merci Nabil, merci Fred, à tout à l'heure. Bon courage, merci à vous. Depuis Jasses-de-Rhôde, donc au Pen Mirabeau. Ici Provence, 19h31. Ici Provence, ici, émission spéciale. Émission spéciale. Les dernières infos, Florent Le Saut. Oui, Fred Chapuis vient de nous le dire. Une nouvelle preuve que la bataille du feu n'est pas encore gagnée. Les pompiers doivent donc lutter contre plusieurs reprises de feu au Pen Mirabeau, secteur du Jasses-de-Rhôde. À Marseille, ils sont toujours mobilisés également. Ces marins-pompiers, comme ils le disent, ils veulent à tout prix sauver la ville, parce que ce feu n'est pas encore tout à fait maîtrisé au nord de la ville. Les chiffres sont tout à fait impressionnants. 720 pompiers et marins-pompiers luttent toujours contre le feu avec 230 engins, 4 canadaires, 4 Dash, 3 hélicoptères bombardiers d'eau. Ces moyens aériens, malheureusement, vont devoir retourner au sol quand la nuit va tomber. Et donc, à partir de 22h environ, il n'y aura plus que les hommes au sol pour lutter contre ce feu à Marseille. Je vous rappelle le dernier bilan, 720 hectares parcouru depuis 11h ce matin au Pen Mirabeau, puis donc au nord de Marseille, notamment quartier de l'Estac, quartier Saint-Henri. Le témoin de Fred Chapuis à l'instant nous disait qu'il avait connu pire. Et ben justement, pour remettre un petit peu en perspective ce méga-feu aux portes de Marseille, Cédric, je voudrais vous rappeler les autres feux très importants de ces dernières décennies à Marseille. Ça va sûrement rappeler quelques souvenirs, pas forcément très bons, bien sûr, à nos auditeurs. Le 18 août 1979, plusieurs départs de feu s'étaient déclarés à Marseille. Justement, 2000 personnes sont restées prisonnières du feu dans les Calanques et deux pompiers bloqués sur la colline de Morgiou avaient perdu la vie, malheureusement, deux marins sapeurs-pompiers. C'était donc en août 1979. En juillet et août 89, peut-être vous en souvenez, exceptionnel de chaleur et de mistral qui avait embrasé plusieurs massifs autour de Marseille, la Nerthe, l'Étoile, le Garlaban, près de 3300 hectares de pinèdes et de garrigues avaient été ravagés. Donc en août 89, les quartiers nord de la ville de Marseille ont été menacés. Et 89, c'était bien sûr aussi l'énorme feu du massif Sainte-Victoire. Plus proche de nous encore, en juillet 98, incendie volontaire à Sormioux. Marseille, à ce moment-là, était menacée d'être encerclée par les flammes. Mais heureusement, un plan d'évacuation a été préparé et des bateaux avaient été réquisitionnés pour évacuer par la mer les personnes présentes dans cette calanque de Sormioux. Donc ça, c'était en 1998, au mois de juillet. Il y a une quinzaine d'années, vous vous souvenez sûrement, en juillet 2009, un exercice à tir balles traçantes sur le camp de Carpiagne, au sud-est de Marseille, avait aussi déclenché un incendie qui là avait parcouru 1000 hectares, vraiment jusqu'à l'entrée de la ville. Aucune victime grave, heureusement, à déplorer. Et puis le dernier très gros feu aux portes de Marseille, c'était il y a à peine 9 ans. C'était en août 2016. Le feu, là aussi, attisé par le Mistral, s'était propagé rapidement de Rognac jusqu'au Peigne-Mirabeau, jusqu'au nord de Marseille. Et ce feu était arrivé le 10 août, donc 2016, aux portes de la cité phocéenne. Ce feu avait détruit tout de même 3300 hectares et 25 immeubles, un groupe scolaire et un lycée aussi qui, heureusement, était désert. Donc, ce 10 août 2016. Donc, voilà ce qui remet en perspective ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Peigne-Mirabeau et à Marseille. On est vraiment, Cédric, dans l'exceptionnel, il faut le dire et le répéter. Il y avait celui de août 2020 également sur la Côte Bleue, là, qui était partie de... Ça, c'était la Côte Bleue, ouais. Effectivement. Là, c'était vraiment les incendies sur Marseille, portes de Marseille. Ouais. Mais effectivement, encore plus proche de nous, il y a eu l'incendie de Saussée. Bon, merci Florent, à tout à l'heure pour un nouveau point sur la situation. Ici Provence, 19h35, on va refaire un tour sur la route. D'abord, il y a Océane qui est aussi sur la route. On va l'écouter. Bonsoir Océane, vous êtes en direct. Oh. Allô ? Oui Océane, on vous écoute. Oui, bonsoir. Je ne suis pas sur la route, en fait j'aimerais rentrer chez moi sur Châteauneuf-les-Martigues et je me trouve au centre-ville de Marseille. Donc, savoir quel itinéraire prendre. Alors, les autorités vous recommandent de passer plutôt par l'A50 et Aix-en-Provence, donc par Aubagne et Aix-en-Provence, ça fait un grand détour. Si vous choisissez néanmoins de prendre l'autoroute A7, elle est totalement embouteillée entre Saint-Charles et le convergent des Peigne-Mirabeau. Vous savez, quand on dit convergence, c'est la séparation entre l'A7 et l'A55. Donc, pour faire tout ce trajet-là par l'autoroute Nord, il y a environ 55 minutes de temps de parcours, donc on va dire une heure de temps de parcours. Et donc, l'A55 est fermée à la circulation, on vous le rappelle, entre ce fameux convergent des Peigne-Mirabeau et Marseille, dans les deux sens. Donc, c'est pour ça que tout le monde passe par l'autoroute A7. Donc, la préfecture vous demande plutôt de passer par Aubagne et Aix-en-Provence, et ensuite la gare TGV, Marignan et Châteauneuf-les-Martigues. Super, d'accord. Et au niveau de l'Estac, c'est fermé aussi. Hein. C'est ça, c'est fermé, le quartier est confiné, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas en sortir. Voilà pourquoi sur notre carte, il n'y a pas d'embouteillage au niveau de Saint-Henri-Saint-André-l'Estac vers Durand, puisqu'il n'y a plus personne. Voilà, on ne peut plus passer par là. Allez. D'accord, je vous remercie. Merci Océane, merci d'avoir appelé ici. Bonjour à tout le monde. Ouais. Et à vous aussi pour rentrer à la maison. On refait un tour d'horizon du trafic et de la météo aussi. Allez, 19h37, ici Provence, la météo et un point sur les rafales de Mistral enregistrées à 19h. Alors, à Aix-en-Provence, 72 km à l'heure. À Istres, 65 km à l'heure. Au Cap-Couronne, à Martigues, 81 km à l'heure. À Salon, 77. À Marignane, donc le plus proche de Marseille, 82 km à l'heure. Et au Bec de l'Aigle de La Ciotat, 104 km à l'heure. Côté Var, 92 au Cap CP face à Toulon, 66 à Hyères, 83 à Porquerolles, 98 au Levant, 107 km à l'heure au Dramont à Saint-Raphaël. Et puis dans les Alpes de Haute-Provence, ça souffle aussi à Saint-Auban sur les pistes de l'aérodrome de Saint-Auban, 71 km à l'heure pour ce Mistral qui va mettre du temps avant de se calmer. Il va encore souffler une bonne partie de la soirée et encore cette nuit. Il va un peu baisser. sur l'ouest et le centre des Bouches-du-Rhône, rafale à 65 km à l'heure pour cette nuit. Il sera encore assez fort dans le Var, rafale à 75 km à l'heure. Et puis les températures vont encore bien baisser. Dans les terres, entre 9 et 12 pour les minimales. Sur le littoral et le proche intérieur, 15 à 18. Demain, grand soleil, toujours ce Mistral. Alors ce sera surtout sur les Alpilles, la Camargue et la Croix, des rafales à 55 km à l'heure. Les températures maximales à Marseille, 29, à Toulon, 28, à Aix-en-Provence, 32 degrés. Pour la suite de la semaine, jeudi et vendredi, soleil et vent faible, il fera jusqu'à 32-33 degrés. Samedi et dimanche, ça baissera un petit peu, il y aura un risque d'averse dans les terres. Le trafic maintenant. Donc à 55, toujours fermé à la circulation. Alors en direction de Martigues, c'est fermé à partir du Prado Carénage. Donc Prado Carénage fermé, tunnel du Vieux-Port fermé, tunnel de la Majeure fermé, à 55 fermé, jusqu'au convergent à 7 à 55 des Pennes-Mirabeau. Dans l'autre sens, vous venez de Martigues, vous ne pourrez pas aller en direction de l'Estac par la 55. Vous ne pourrez pas aller sur la 7 en direction d'Aix-en-Provence ou de Marseille Nord convergent de Septembre. Vous serez en venant de Martigues. Toujours sur la 55, obligé au Pen Mirabeau de continuer vers Lyon. Donc vous prendrez l'autoroute A7 vers Lyon, quitte à sortir au niveau de l'échangeur Marignane aéroport, de faire demi-tour aux Estroublanc, de reprendre l'autoroute dans l'autre sens. Mais voilà, vous ne pourrez faire que ce chemin-là en venant de Martigues. Il y a juste un léger ralentissement sur la 7 en direction de Marseille à hauteur du convergent des Pen Mirabeau. Pour quitter Marseille, les temps de parcours sont un peu réduits maintenant sur la 7. J'ai annoncé à l'instant 55 minutes. Maintenant, on est plutôt à 50 minutes. Minutes de bouchon entre Saint-Charles et le convergent des Pennes-Mirabeau avec la 55. Vous pourrez aller soit en direction de Lyon, soit en direction de Martigues. Pour le coup, là, c'est ouvert. La L2 un petit peu chargée, mais ça peut aller. La 50 juste ralentie en direction de Toulon. Vous perdez 10 minutes entre Pologne et Aubagne, donc c'est vraiment rien. N'hésitez pas à prendre la 50 toujours et à faire ce grand détour par Aix-en-Provence ou alors par la route des Termes. Donc la route des Termes, c'est Allauplan de Cuc, direction Pépin, et ensuite vous pouvez prendre Mimet, Simiane-Colongue et récupérer la voie rapide de Gardanne. Là, c'est jouable aussi, il n'y a aucun problème. Avec son Provence, il n'y a plus de problème non plus. Tout va bien sur la 8 des 9, National 8, montée ou descente de Célonie, aucun problème à Aix-en-Provence. Et puis pour Toulon, aucun problème non plus. Tout se passe bien au niveau de la circulation du moins. Vous continuez d'appeler ici Provence avec vos inforoutes ou vos demandes d'itinéraire. 04 42 38 08 08. On n'a pas évoqué les fermetures nocturnes, mais n'oublions pas, si vous devez prendre la route cette nuit, on a des travaux de nuit, donc je vais vous les citer. En direction de Marseille, la 50 sera fermée entre la Penne-sur-Yvonne et la Pomme de 21h à 6h. La 55, forcément sera fermée. À Aix-en-Provence, en direction de Marseille, la Nationale 296, donc la descente de Célonie, se sera fermée entre Puy-Ricard et Aix-Centre-Pontier de 21h à 6h. Sur la 7, l'échangeur Cavaillon-Plan d'Orgon, fermé de 22h à 6h. Sur la 51, l'échangeur Fort-Calquier, fermé de 21h à 5h. Et puis à Toulon, en direction de Nice, on aura la fermeture du tunnel et de la 57 jusqu'à Sainte-Mus, ainsi que la portion de la 57 située entre la bretelle de sortie pour hier et la bretelle en provenance de hier, de 21h à 6h. Et puis à Toulon, en direction de Marseille, la 57 sera fermée entre la Valette Nord et la Palace de 21h à 6h. Vous retrouvez la liste des fermetures nocturnes sur notre site ici.fr/Provence, tout comme les nombreuses photos et vidéos de cet incendie aujourd'hui à Marseille, donc ici.fr/Provence. Ici Provence, édition spéciale. Vos appels au 04 42 38 08 08. Sylvia, bonsoir Sylvia. Bonsoir Cédric, voilà, je voudrais indiquer un itinéraire parce que je viens de le prendre. Moi j'ai quitté l'hôpital à mal passé à 18h, il a fallu que je traverse tous les quartiers, Sainte-Marthe, Saint-Jean, etc. Vous allez où? Attendez Sylvia, pour qu'on comprenne, vous allez où? Alors je vais à Port-de-Bouc. Ok, donc Marseille-Port-de-Bouc. Allez, voilà. On reprend le chemin. Voilà, donc si vous arrivez, alors il y a beaucoup de bouchons sur la 7, si vous arrivez à rester sur la 7, vous partez en direction de Plan de Campagne. Ah, ok. Donc là, vous sortez à Plan de Campagne. Ouais. Et vous traversez Plan de Campagne pour revenir sur vos pas en direction des Pennes Mirabeau. Par la D6, le rond-point Coca des Pennes. Voilà, donc vous passez devant le métro, et là, toujours tout droit. Et ça roule, il n'y a pas grand monde. Et donc, pour ceux qui veulent relier Martigues, Port-de-Bouc, Châteauneuf, etc., voilà, une fois que vous avez passé le bouchon de la 7, après vous êtes tranquille. Alors, il y a beaucoup de pompiers, on voit le feu qui est sur les collines de l'autre côté des autoroutes, c'est une catastrophe. Mais c'est le seul moyen que vous puissiez, parce que si vous les envoyez tous vers Aubagne, avec le bouchon qu'il y a d'habitude sur Aubagne, là, ils ne rentreront jamais chez eux, quoi. Bon, ça va. C'est juste ralenti. Tout à l'heure, en effet, à l'heure de pointe, c'était très compliqué. Mais maintenant, ça n'est plus que ralenti. Voilà. Wow. Puis on relaie les consignes des autorités aussi. On est là pour ça. Oui, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai reçu un message qui m'a fait peur, d'ailleurs. Le FR alerte. Sur mon téléphone. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce bruit? Bon, bah, écoutez, courage. Hein, c'est déplorable ce qui se passe. Mais avec les inconscients qu'il y a dans cette région, il faut toujours s'attendre au pire. Et malheureusement, le pire, c'est que la nature et les animaux et les êtres humains aussi en pâtissent. Voilà. Et puis certaines maisons. Courage aux pompiers, courage aux personnes qui sont impactées par les feux. Et puis, j'espère que ces gens-là seront punis. Voilà. En tout cas, ça nous fait penser au fait que donc c'est une voiture qui a pris feu ce matin sur l'autoroute qui a provoqué cet incendie terrible. Moi, je me demande toujours comment une voiture peut prendre feu. Est-ce qu'elle était mal entretenue ou pas? On peut réfléchir à ça. Et si vous n'avez pas l'habitude d'aller chez votre garagiste au moins une fois par an, c'est peut-être le moment d'y aller pour vérifier si tout va bien afin d'éviter ce genre de drame. Voilà, Sylvia. Et donc, le FR alerte, c'est la première fois que vous l'entendiez sur votre portable? Oui. Moi, je reçois des messages parce que je travaille dans l'armée, ils sont tout autres, mais là, c'est autre chose. Ouais, en fait, c'est pas un SMS, c'est vraiment un message automatique qui apparaît sur l'écran quand on est dans une zone définie. Moi, je l'avais reçu il y a quelques temps c'est un message d'alerte, puisqu'autour d'Aix-en-Provence, c'est un message d'exercice, puisqu'autour d'Aix-en-Provence, vous savez, on a le barrage de Bimont, et il y avait un exercice d'alerte, comme quoi, attention, ceci est un message d'alerte, si le barrage de Bimont cède, vous recevrez ce message, il faudra vous mettre à l'abri, etc. Et donc, on l'avait reçu, c'était un exercice. Heureusement à l'époque. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'est pas un exercice et c'est terrible ce qu'il se passe. Exactement. Alors c'est un message écrit mais qui est aussi parlé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis il y a cette sonnerie très stridente. Ah oui, voilà. Tout à fait, je croyais que j'avais cassé quelque chose dans la voiture. Ah ouais. Ça surprend. Mais bah voilà, maintenant on est tous au courant de comment ça se passe, le FR alerte. Merci Sylvia. Courage à vous, rentrez bien. Et d'ailleurs, ce message, il n'est pas que français, c'est FR comme France, mais si vous allez à l'étranger et qu'il se passe le même genre de situation, vous le recevrez aussi sur votre portable, même si vous n'avez pas de forfait international, ça marchera aussi. Manon nous rejoint. Bonsoir Manon. Bonsoir. Allez, vous êtes où? Que se passe-t-il? Dites-nous tout. Alors, je suis sur la A7, direction Martigues. Je suis dans les bouchons et en fait, c'était juste pour indiquer que étant partie de la Joliette à 19h, j'arrive à peine à l'échangeur des 5 avenues et il est 19h45. Ah oui. Vous êtes à Plombières, grosso modo, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc, entre ce qui est indiqué sur Waze et la réalité, il y a deux mondes. Ouais. Il faut augmenter le temps. Voilà, j'ai mis 45 minutes pour faire. On est censé faire 25 minutes en temps normal. Ouais. Et alors, je vais mettre à jour mon temps de parcours que j'ai sous-évalué dans le précédent point. J'avais dit, ça va un peu mieux. Et non, ça empire maintenant. Entre Saint-Charles et le convergent des Pennes-Mirabeau, on est passé maintenant à 1h20 de temps de parcours par l'A7. Voilà pourquoi on vous dit de passer par Aubagne, même si ça fait un grand détour, ça fait des kilomètres, mais au moins vous roulez plutôt bien par l'A50. Vous rentrez à Martigues, c'est ça? Bon courage, ça, Manon. Hein. Ouais, courage. Merci, à vous. Merci, bon courage à tous. Merci. Ici Provence, 8h moins le quart. Pascal, allez-y, on vous écoute. Bonsoir Pascal. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, moi je travaille à Somachi. Donc je suis partie à 17h30, on a vu le feu à 11h. Je sens la fumée, je sens le bois brûlé, c'est impressionnant. Je suis partie à 17h30, donc ils m'ont tout bloqué. Ils m'ont empêché de partir pour aller retourner sur Aurillac. Il a fallu que je passe par le marché aux puces. Marché aux puces, je suis montée aux Arnavaux. Je suis en campagne. Dans la campagne, je suis passée par Calas. Par Calas, je suis revenue sur Aiguille. Et là, je suis après 2 heures de trajet. Voilà, pour aller à Rognac, donc c'est là où vous vivez. À Rognac. Ouais, pour faire Somatie-Rognac, de grands détours, mais c'est ce qu'il fallait faire, on n'avait pas le choix. Et tout à l'heure, je disais aux auditeurs, aux auditrices qui étaient justement dans le secteur de la Calade, tout ça, de redescendre vers le centre-ville, c'est finalement un peu ce que vous avez fait, car il n'y a pas 36 solutions. Ils m'ont fait faire, ils m'ont bloqué carrément, ils m'ont empêché de remonter vers le grand littoral, ils m'ont empêché d'aller sur l'Europe, donc j'avais que cette solution-là. Je suis redescendue sur Marseille, et sur Marseille, j'ai pris par le marché aux puces et les Arnavaux. Voilà, très bien. Après, ça vous prend son mal à patience, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est saturé. Et sur plan de campagne, ça commence un peu plus à rouler. Et pour revenir, alors je me suis posé la question, est-ce que je remontais à Aix-les-Mines et que je revenais par Aix. Et en fait, j'ai coupé par Calas et par Aiguille. Ouais. Et par le pont de Saint-Pons. Oui, bah pour une fois, ça allait. Ouais. Eh ben, on s'en souviendra de ce terrible 8 juillet. Il restera gravé dans nos mémoires, quelles que soient les conséquences. Ouais. Alors, vous, finalement, Pascal, c'est anecdotique. Nous, à la radio, c'est anecdotique. Mais pour toutes ces personnes qui ont perdu leur maison ou qui ont dû être évacuées, ça doit être un véritable traumatisme. Donc, on pense à tous ces Marseillais puis à tous ces habitants des Pennes Mirabeau. Merci, Pascal. Il n'y a pas que les Pennes Mirabeau, il y a tout le derrière de l'Estac aussi, toutes les hauteurs de l'Estac. Voilà, c'est ce qu'on évoquait, ouais. Merci, voilà. Pascal, à bientôt, rentrez bien. C'est bientôt arrivé. Ici Provence, en édition spéciale, on continue avec vos appels, 04 42 38 08 08. Bonsoir, Maxime. Oui, bonsoir. Simplement pour vous dire, bon, bien sûr, on pense à tous ces gens et à ce terrible feu qui a causé beaucoup de soucis à tout le monde et bien sûr à des gens qui ont perdu tout leur bien. Beaucoup de pensées pour eux, simplement pour vous dire que moi je suis parti de Somaty, j'ai remonté à Ribarny jusqu'au bout, jusqu'en haut, les voitures m'ont ouvert les roues. Pour aller où? À Mimet? Pour monter vers Mimet. Okay, je suis passé par Somaty, en fait, je suis monté jusqu'à Somaty, la Gavotte, et en fait, ça a roulé comme s'il y avait personne sur la route. En fait, ils ont tout ouvert, les ronds-points, etc. On aurait dit que les voitures de police m'ont vu arriver, on se sont écartés pour que je puisse passer. Ah ouais, mais c'était quand ça? Maintenant. Ah ouais? Maintenant, il y a, un quart d'heure. D'accord. Il y a un quart d'heure, je me suis pointé dans les ronds-points. Tous les ronds-points, en remontant de Somaty vers d'Henri Barnier, voilà, ça a roulé tout le temps très bien. Jusqu'à l'échangeur de Saint-Antoine et vous avez pu récupérer la 7. Ah, j'ai pas pris la 7, non, je suis passé dans la Gavotte. Par la Gavotte, ah, pardon. La Gavotte, d'accord. La Gavotte Perret, etc. J'ai pas pris l'autoroute. Ouais, vous remarquez, c'est bloqué par la 7, donc c'est normal que. Enfin, vous avez bien fait, papa. Là, je suis info rouge, j'ai l'impression que les gens, ils ont du mal. Voilà, non, mais ça roule très bien, voilà, c'est pour savoir. Okay. Et là, je vais en direction de Plan de Campagne pour rejoindre Signan, etc. Et Mimet, votre chez vous, voilà. Avec la très belle vue sur la montagne Sainte-Victoire. Merci, Maxime. Bah, j'ai attendu, moi, par contre. On a attendu au travail qu'il y ait un peu plus de... Voilà, ça roule mieux. Et ouais, ça faisait partie des... On s'est pas engagé, voilà. Ça faisait partie des consignes, voilà, de rester au travail, afin de ne pas encombrer les routes. Merci Maxime de votre témoignage en direct sur... Bon courage à vous, merci d'être là. Merci. Ici Provence, à bientôt Maxime. Georges, bonsoir Georges, vous êtes où et vous voulez aller bonsoir. Où voilà. Alors. Ben nous, on est descendu travailler à Marseille, on habite à Carrie, okay. On est descendu à 2h, on m'a bravé la fumée, ouais. Et puis là, on voudrait retourner à la maison. Et vous êtes où à Marseille? Sur le chemin du littoral. Oh là là, la galère. Rue Saint-Mirabeau. Ah bah, remarquez, Maxime nous a dit qu'il venait un peu de rouvrir Henri Barnier. Il y a peut-être moyen de remonter par là, mais bon, on ne sait jamais. Ouais. Sinon, il y a toujours l'option donc, de descendre, c'est ce que je disais, hein, de reprendre l'autoroute soit à Saint-Charles, soit à Plombières. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et puis après, de rester coincé sur l'autoroute A7, mais vous aurez 1h15 de bouchon jusqu'au convergent des Pennes Mirabeau. On ne peut pas passer par l'Estac ni le Rove, c'est fermé. Ouais. Après, il y a j'allais vous dire les Pennes Mirabeau, mais non, ne passez pas par les Pennes Mirabeau. N'allez pas encombrer les routes de la D113 de la Gavotte. Voilà, on va déconseiller de passer par là quand même. Sinon, faire le contour par Aubagne. Passer par où? Je déconseille les Pennes Mirabeau, hein, puisque le feu reprend au niveau de Jazz de Rode, donc on va éviter de prendre la D113 quand même par la Gavotte. Alors, soit vous trouvez un super bon resto à Marseille et vous profitez de la soirée, soit vous passez par Aubagne, et c'est ce qu'on disait, Aubagne, la sortie la Destrousse, Pépin, Mimet, Signane, et vous récupérez la 51 à Plan de Campagne. Voilà. Ouais, que si je passe par la Gavotte et que je rejoigne Plan de Campagne et je peux rejoindre la D9. Oui, c'est possible, mais encore faut-il que vous puissiez remonter jusqu'à la Gavotte. Et je suis pas sûr que vous puissiez y aller. Là, notre précédent auditeur pouvait parce qu'il était dans le quartier et les policiers lui ont ouvert les ronds-points, mais je mets une réserve là-dessus pour vous qui êtes un peu plus bas. D'accord. En tout cas, les stacks, c'est fermé, quoi. Ouais, c'est fermé. Et alors là, je vous dis ce que je sais, mais on va demander aux auditeurs. Peut-être qu'ils ont d'autres conseils. À ce moment-là, vous aidez Georges. Vous qui nous écoutez, aidez donc Georges à rejoindre Caril Rouet. 04 42 38 08 08. Ils ont peut-être d'autres solutions à nous apporter qui nous auraient échappé. On ne sait jamais. Merci, Georges, pour. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour votre appel. Merci. Ici Provence. Ici. Émission spéciale. Émission spéciale. Je vous fais part des recommandations pour la population émises par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour les habitants des Pennes-Mirabeau et de Marseille. Restez confinés, fermez les volets, fermez les portes et laissez l'accès libre de votre habitation au secours. Employeurs, salariés travaillant sur Marseille, différez vos déplacements afin de libérer les routes pour laisser la priorité aux forces de secours et de sécurité. Les recommandations sanitaires relatives à l'exposition aux fumées en cas de perception d'odeur. Il est conseillé de réduire ou reporter les activités physiques et sportives intenses et de surveiller de près les personnes à risque. En cas d'exposition directe aux fumées, il peut être recommandé de porter un masque de protection comme ceux utilisés pour se protéger du Covid, voire les fameux masques FFP2 comme à l'époque. Pour les résidents des zones plus éloignées des incendies, mais où parviennent des fumées denses des feux, les recommandations pour éviter les irritations consistent pour tous à limiter les déplacements et le temps passé à l'extérieur. Gardez les portes et fenêtres fermées et n'aérez que lorsque les conditions le permettent. Surveillez de près les personnes à risque. Pour les personnes sensibles, une vigilance particulière est nécessaire. Les personnes asthmatiques, souffrant de pathologies cardiovasculaires ou respiratoires, femmes enceintes, enfants, personnes âgées ou personnes sensibles lors des pics de pollution et ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics, il est recommandé, en cas d'apparition de symptômes ou d'une gêne respiratoire, de se rapprocher d'un médecin généraliste ou de contacter le 15. Et en cas d'exposition directe aux fumées, vraiment porter un masque FFP2. Voilà les recommandations qu'on n'a pas vraiment encore trop évoquées depuis tout à l'heure, depuis qu'on a reçu le communiqué du préfet des Bouches-du-Rhône. Je voulais vous en faire part. Ici Provence, 19h54, le feu toujours en cours, jase de Rhodes, verduron les stacks, mais surtout côté les Pennes-Mirabeau, il a repris en intensité, attisé par un très violent mistral qui souffle très fort. La 55 est toujours fermée dans les deux sens. Alors, au niveau de Grand Littoral, vous pouvez redescendre par la 55 à la Joliette, mais en direction de Martigues, l'axe autoroutier est fermé dès le tunnel Prado-Carénage. Donc à la fin de la 50, vous ne pouvez pas prendre de Prado-Carénage, ni le tunnel du Vieux-Port, ni le tunnel de la Major, et donc ni la 55 jusqu'au convergent à 7 à 55 des Pennes-Mirabeau. C'est pour ça que tout le monde est sur la 7, entre Saint-Charles et le convergent des Pennes-Mirabeau, en direction de Lyon ou de Martigues, puisque vers Martigues c'est possible, c'est ouvert en tout cas. Il y a environ maintenant quasiment une heure de temps de parcours. Et dans l'autre sens, en venant de Martigues, vous ne pouvez pas rejoindre Marseille par l'autoroute A55 ni par l'A7, puisque la jonction A55-A7 est fermée à la circulation dans le sens Martigues-Marseille-Nord. Vous serez donc obligé de faire Martigues-Lyon et rebrousser chemin via Vitrolles. Sinon, vous pouvez même sortir en amont à Alamed ou à Carry, passer par Marignane et reprendre l'autoroute en direction de Marseille, l'autoroute A7. Il n'y a aucun problème. Privilégiez toujours les autres itinéraires A50 via Aubagne et donc Aix-en-Provence, ou alors la route des Termes via Allauplan-de-Cuc et donc Pépin-Cadolive. Vous nous appelez, vous continuez d'appeler ici Provence, édition spéciale 04 42 38 08 08. Vos messages vocaux aussi sur WhatsApp, on en a reçu un il y a quelques instants de Laurent. C'est Laurent de Saucier, voilà. Bonsoir Cédric, tout particulièrement, voilà. Non seulement vous êtes une radio formidable, mais en plus, dans des temps et des moments exceptionnels comme ce soir, ben, vous êtes un peu nos anges gardiens aussi. Et je tenais quand même à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour tous les auditeurs de ici Provence. Voilà, c'était pour vous dire ça. Merci et une bonne soirée. C'est adorable, Laurent. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Moi, je pense à l'équipe mobilisée depuis le début de l'après-midi. Il y a Ali à la technique, il y a eu Stéphane, il y a eu Mathieu, il y a Elodie qui est au standard. Hey, Elodie, ça sonne. Vas-y, prends les appels. Il y en a d'autres. Voilà, et la pauvre. Pas de pause, pas de répit pour Elodie. Bravo aussi à Kevin Colloc, avec qui on a alterné l'animation de l'émission. Et tous nos journalistes sur place, Fred Chapuis, Rémi Inc. La coordination, Nelia Sena, Maël Lerner, nos rédacteurs en chef et responsables des programmes respectifs. Et puis les journalistes en coulisses qui ont pu collecter d'autres infos comme Christophe Van Ven ou encore Lisa Guinic. Ce n'est pas fini, on continue de vous accompagner. Alors je ne sais pas jusqu'à quelle heure on va s'arrêter, mais voilà, 19h57, on continue encore de vous tenir au courant. Ici Provence, on va juste... écoutez John Lennon, une bonne respiration, fort à propos je trouve. Imagine, c'est ici Provence, et un nouveau point sur tout ce qu'il se passe, c'est dans moins de 3 minutes. Imagine there's no heaven. the sky. John Lennon, Imagine. Ici Provence, votre radio de service public, radio de crise, situation de crise depuis la mi-journée. Notre édition spéciale continue. Vos appels, vos inforoutes, vos demandes de trajet aussi, les réponses à vos questions, si on peut vous les apporter, sinon vous vous aidez les uns les autres. 04 42 38 08 08, on continue. Ici, ICI, une radio, une appli, au cœur de la Provence. Ici Provence. Vous écoutez Ici Provence, il est 20h. Florent Lesseau, c'est donc un incendie qui restera dans l'histoire des gros feux d'Épennes Mirabeau et de Marseille. 720 pompiers marins-pompiers luttent toujours contre les flammes avec le soutien des moyens aériens tant que le soleil n'est pas couché. Ils sont mobilisés aux peines pour traiter des reprises de feu très importantes sur l'arrière du flanc gauche dans le secteur du Jas de Rhodes. Les sapeurs et les marins-pompiers sont également toujours sur les hauteurs de l'Estac et de Saint-Henri, des secteurs du nord de Marseille gagnés par l'incendie au cœur de l'après-midi à cause du Mistral qui souffle d'ailleurs toujours très fort ce soir. Le préfet des Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, déclare que les marins-pompiers sont en train de défendre la ville de Marseille, à Marseille où le feu a baissé d'intensité, et le préfet se dit plutôt optimiste sur la suite des opérations. On ne peut pas dire que la situation est figée, la situation est maîtrisée. Pourquoi ? Un, parce que nous avons des moyens importants qui sont engagés. Deux, parce que nous avons plusieurs sapeurs-pompiers qui sont blessés, neuf, un seul a été évacué. Et je demande à la population de Marseille de rester confinée. Ils sont en sécurité quand ils sont chez eux. Les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers sont en train de défendre Marseille. Je demande à l'ensemble de la population d'être calme. Il ne s'agit pas de prendre sa voiture, il ne s'agit pas d'aller chercher un être cher. Les personnes sont en sécurité chez elles dès lors que les moyens aériens et dès lors que les moyens terrestres sont engagés. Voilà, restez chez vous si possible, même à l'heure qu'il est, nous dit le préfet des Bouches-du-Rhône. Il annonce donc que la situation est maîtrisée, mais bien sûr, les heures qui viennent s'annoncent cruciales. La lutte continue, la nuit s'annonce difficile, nous dit le vice-amiral Lionel Mathieu, commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille. L'urgence, c'est que le feu a atteint la périphérie de Marseille et donc des premières habitations. Et donc l'urgence, c'est protéger ces habitations, hein, ce qu'on appelle protéger les points sensibles. Et donc aujourd'hui, les marins-pompiers sont au cœur des habitations pour les protéger. Donc aujourd'hui, cette stratégie paye puisqu'on épargne de nombreuses habitations où on a évoqué quelques-unes d'entre elles qui malheureusement n'ont pas pu être protégées. Par contre, le risque, c'est bien la poursuite de conditions météorologiques difficiles qui vont probablement permettre au feu de sauter ici et là de quelques mètres, de quelques dizaines de mètres. Et donc, il faudra être réactif pour aller tout de suite tuer ces reprises de feu, qui dans un jardin, qui sur une toiture à proximité d'une habitation. Le feu ne se propage plus en tant que feu groupé et étendu, mais par certains endroits, un certain nombre de points, de sautes continuent d'exister. Et donc, c'est bien face à ça qu'il faut se battre. Le vice-amiral Mathieu, commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille, au micro ici Provence de Rémi Inc. C'est vrai que le Mistral va encore souffler fort, 80 km/h jusqu'à 22h, 23h ce soir, avant de faiblir en cours de nuit, avec tout de même des rafales à 40 km/h. Dernier bilan, je vous le rappelle, 720 hectares de végétation parcourus par les flammes, essentiellement sur la commune des Peignes-Mirabeau et donc aussi au nord de Marseille, du côté de l'Estac et de Saint-Henri. Seule une dizaine d'habitations ont été touchées par les flammes, dont la moitié à Marseille. Mais selon le maire de Marseille, Benoît Payan, une centaine de maisons ont pu être sauvées. 9 pompiers ont été blessés, malheureusement. Le maire de Marseille qui annonce aussi que 400 habitants de sa ville ont été évacués de façon préventive. Voilà, je vous redonne la cellule d'information au public donnée par la préfecture. Pour toute question sur l'incendie en cours, vous pouvez appeler le 09 70 80 90 40, 09 70 80 90 40. Et dans quelques instants, si tout va bien, nous serons avec Yvan Planteil à Marseille, qui se trouve au gymnase Vallier. C'est l'un des 4 gymnases mobilisés pour accueillir d'éventuels habitants et évacués ce soir ou cette nuit. Florent, on a reçu un message de Julia sur le WhatsApp de Ici Provence. Bonjour, mon mari travaille à la Joliette. Les enfants et moi sommes confinés à l'Estac. Peut-il rentrer à la maison nous rejoindre ? Je suis pas sûr. Hein. Pour moi, c'est confiné, donc on n'a pas le droit. Vous pouvez me rappeler ? Moi, oui. Mon mari travaille à la Joliette. Oui. Les enfants et moi sommes confinés à l'Estac. Peut-il rentrer à la maison nous rejoindre ? Ben, la Joliette, normalement, il n'y a pas de confinement, je crois. Oui, mais est-ce qu'il peut rejoindre l'Estac ? C'est ça le truc. Je ne crois pas. Hein. Je ne sais pas. Pour moi, c'est fermé. Hein. C'est impossible. C'est vrai qu'il prend le risque qu'on lui coupe la route avant d'arriver chez lui. C'est ça. C'est comme un risque. Ouais. Voilà. Donc, il peut toujours tenter, au risque de trouver des policiers qui lui diront d'aller ailleurs. Et justement, dans les centres d'hébergement, où nous attend dans quelques minutes notre reporter. Ben, il est là, je crois. Je l'entends. Yvan Planteil, notre journaliste envoyé spécial ici Provence. Quelle est la situation, Yvan ? Bonsoir. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à tous. Pour l'instant, alors, l'antenne, il y a quatre gymnases marseillais qui sont mobilisés pour du monde. On les rappelle, hein, ce sont le gymnase Vallier, Rosfuveau, Croix-Rouge et Estac Rabelais. Pour l'instant, personne n'est arrivé. Moi, où je me trouve à Vallier, personne n'est arrivé. Alors, je ne sais pas si vous me recevez encore bien. Ça coupe un petit peu, mais ça va, on comprend ce que vous nous dites. Oui, personne n'est arrivé pour l'instant à Vallier. Il devait y avoir un car avec une 70 personnes qui devaient arriver ici et qui vont finalement être envoyées sur le gymnase Rabelais. Mais ici, il y a tout. Il y a des lits de fortune, il y a de la nourriture, il y a des tables, il y a des chaises, il y a un petit peu tout. Il y a la Croix-Rouge qui est évidemment présente, ainsi que le maire du 4e et du 5e arrondissement de Marseille. Voilà, pour l'instant, pas grand monde ici, mais voilà, 70 personnes, 80 personnes sont en train d'arriver sur le gymnase Rabelais. La ville de Marseille me précisait à l'instant au téléphone que dans la plupart des cas, eh bien, les familles, et c'est justement où les foyers qui ont été évacués, essaient de rentrer et de trouver des solutions dans leur famille. Donc c'est pour ça que pour l'instant, l'aide et le déplacement des familles évacuées se fait un petit peu minute par minute. Mais voilà, pour l'instant, 80 personnes qui vont arriver au gymnase Rabelais. Merci Yvan, à plus tard. Et on rappelle, voilà, si vous avez une question, nous on n'a pas forcément toutes les réponses, mais il y a la cellule d'information au public qui pourra vous aider. Donc je pense à notre auditrice sur WhatsApp, c'est Julia. Je vous redonne le numéro 09 70 80 90 40 pour ton information en lien avec l'incendie en cours. 09 70 80 90 40. Oui, à l'instant, Cédric, ce communiqué du président Macron sur le réseau X, ex-Twitter, le président a écrit ceci, soutien à nos pompiers et à nos forces engagées contre les incendies dans le sud-est, à Marseille, au Pen-Mirabeau et à Narbonne. Pensez aussi, écrit le président, pour les blessés et tous les habitants. Le chef de l'État appelle à la prudence et au respect des consignes de sécurité, bien sûr, pour faciliter l'accès des secours. Donc ce message du président Macron, alors que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est attendu à Marseille aux alentours de 21h30. Dans un instant, Claire et Delphine, d'abord il y a Johan ou Johan, comment on dit Johan ? Johan. Johan, bonsoir Johan. Bonsoir. En direct au 04 42 38 08 08. Dites-nous tout, Johan. Bonsoir tout le monde. J'ai écouté vos informations dans l'après-midi, comme quoi il valait mieux pas quitter notre lieu de travail. Je suis sur Martigues et j'aimerais bien redescendre chez moi à Marseille. Vous habitez dans quel quartier ? Dans le 7e, en Doum. D'accord. Bon, alors, Martigues, Marseille, par la 55 et la 7. Je vous rappelle que la jonction entre la 55 et la 7 au Pen-Mirabeau est toujours fermée à la circulation. Donc, le mieux, c'est de sortir à la Med. Vous traversez Châteauneuf-les-Martigues, Marignane, la D9. Vous récupérez la 7 au niveau d'Ikea Vitrolles. Et vous redescendez dans Marseille par l'autoroute A7. Là, c'est bon, c'est ouvert. Il n'y a pas de problème et il n'y a pas de bouchon. D'accord, donc je voulais savoir si c'était à l'embranchement des peines et la 55 c'était fermé ou si c'était avant. Bon, très bien. Voilà, c'est toujours fermé. Si vous vous engagez, maintenant que vous avez l'info, Johan, c'est bon, mais ceux qui vont s'engager au-delà de l'échangeur Lerov-Gignac seront obligés de continuer en direction de Lyon et ils vont se retrouver perdus. Donc vous, au moins, vous anticipez. Non, mais je vais faire comme vous m'avez dit, la MED, tout ça. D'accord. Voilà, en tout cas, vous avez bien fait de patienter sur le lieu de travail. Vous avez évité de grosses galères, certainement, en fin de journée. Je suppose, C'est sûr. Très bien, encore merci pour votre travail, c'est gentil. Merci, Johan, merci très bien. Justement, Claire, vous, également une question pour l'A7. Bonsoir, Claire. Oui, bonsoir, merci de me prendre. Alors moi, ma question, c'était de savoir, je suis sur vélo et je souhaiterais descendre sur Marseille, au niveau de la Valentine, donc dans le 11e. J'ai attendu le plus longtemps possible, mais je viens d'écouter la radio. A priori, le feu reprend au niveau des peines. Oui. Donc, être sûr avant de m'aventurer sur la. Mais c'est que la 55 qui est fermée pour vous. Donc, Velo, Vitrolles, les peines Mirabeau, Saint-Antoine, la L2 et la 50 jusqu'à Valentine. Il n'y aura pas de problème. Vous pouvez y aller, c'est bon, c'est ouvert. Et il n'y a pas de bouchon en plus. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir aidés tout au long de la journée et j'apporte mon soutien aux forces de l'ordre et aux pompiers surtout. Merci pour vos pensées, Claire. Bon retour. Delphine, bonsoir Delphine à Gardanne. Bonsoir. En fait, on est toutes les deux, donc on remonte sur l'autoroute. Ah, c'est Laurence, c'est ça ? C'est Laurence et Delphine. Oh, ok, bonsoir aussi à Laurence alors. Voilà. juste un petit coup de gueule, on est dans les embouteillages pour des raisons d'incendie, il y a des gens qui sont engagés là-dessus, des professionnels, des pompiers, des policiers, etc. On est au touche-à-touche et qu'est-ce qu'on voit devant nous ? Un gars qui allègrement fume sa clope, tranquille, la clope dehors qui prend l'air et qui envoie ses cendres sur les herbes folles, quoi, je veux dire, du milieu de l'autoroute. Donc bon, du fait que ça soit aussi le métier de mon épouse, elle est descendue, elle est allée le voir de manière très professionnelle, je crois qu'il a compris la leçon, mais il n'y a pas de petit risque, je veux dire, une cigarette peut enflammer une région très sèche. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, c'est une catastrophe. Voilà. Donc ça, encombrer les voies d'urgence, parce que c'est ce qu'on voit en ce moment là, c'est complètement, un truc de fou. Voilà. Donc si on peut être chacun à notre niveau un peu responsable, ça serait pas mal. Voilà le message de Delphine urgentiste et Laurence policière, si j'ai bien tout compris, hein, c'est ça ? Sur Marseille, en PN, en police nationale. Okay. Et en plus, elle a eu ses effectifs d'engagés aussi, et qui sont revenus noirs de suie. Et qui vont pas forcément très bien dormir, parce qu'ils ont pris plein les poumons aujourd'hui. Donc voilà, soyons un peu solidaires pour tout le monde. On pourrait aussi avoir sa maison brûlée aujourd'hui, sa voiture, ses animaux, etc., etc. quoi. Donc voilà. Merci pour le message. Le message passé en direct sur ici Provence. Rentrez bien à Gardanne. Une dernière minute, Florent Le Saut. Une dernière minute, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire notre auditrice. Elle est en colère contre ces personnes qui jettent leurs mégots par les fenêtres. je me permets de rediffuser ce que nous disait ce matin le colonel Bépois, directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône, qui parlait justement de ces mégots de cigarettes. Écoutez ce sapeur-pompier. Nous le rappelons, ne jetez pas vos mégots de cigarettes par les fenêtres de voiture. Aujourd'hui, à ce stade, je le dis en toute transparence et franchise, ça n'est plus un acte d'imprudence ou de négligence, c'est criminel. Par ailleurs, attention au barbecue, attention aux zones de camping trop proches d'un massif forestier, et rappelez également que les brûlages, tout comme les feux d'artifice ou l'emploi de pétards, sont strictement interdits à proximité des massifs. On a d'ores et déjà, dans le cadre d'investigations qui ont été menées, une origine liée à des feux d'artifice sur notamment le secteur du Rove samedi dernier. Voilà des rappels qu'il faut absolument répéter sur ICI Provence. C'est aussi notre rôle que de renouveler ces appels à la vigilance, à la prudence, nous disait le colonel Bépois, directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône. ICI Provence en édition spéciale, on continue. Vos appels 04 42 38 08 08 en direct ou en message vocal sur WhatsApp ou en message tout court sur WhatsApp. Il y a Barbara qui nous écrit « Si besoin, je peux héberger des personnes qui ne pourraient pas rentrer chez elles. Je suis dans le premier à Longchamp 5 Avenue. » Si ça vous intéresse, vous nous envoyez vite vite maintenant un message sur WhatsApp et on vous mettra en relation avec Barbara. Donc ne tardez pas, 04 42 38 08 08, donc pour le coup uniquement sur WhatsApp. Il y a une question qui nous parvient de Magali. Savez-vous si les ronds-points de Saint-André sont rouverts? Car j'y ai abandonné ma voiture et j'aimerais la récupérer. Alors tout à l'heure, je crois que c'était Maxime de Mimet qui nous disait que la police lui avait ouvert la voie et les ronds-points, il avait pu rentrer en passant par là jusqu'à Mimet, mais est-ce que c'était que pour lui et ou est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous pouvez maintenant de nouveau passer par les ronds-points de Saint-Henri qui étaient fermés? Moi, je n'ai pas la réponse, donc je vais vous demander, vous qui êtes sur place, de nous dire ce qu'il en est. 04 42 38 08 08. Stéphane, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors, vous allez de où à où? De Martigues, ouais. À Ribot. Vous savez l'usine à Ribot, là? Oui, Capitaine Jazz. Exact, c'est exactement mon adresse, c'est ça, monsieur. Ouais. Et vous voulez passer, vous voulez rentrer à Haribo, enfin vous voulez aller à Haribo. Ah, on travaille la nuit à Haribo aussi? Non, je suis buraliste, moi, je veux juste rentrer à Marseille. D'accord, ok. Même chose, vous sortez, donc depuis Martigues, hein, vous sortez à Lamed, vous traversez Châteauneuf-les-Martigues, Marignane, et vous récupérez l'asset à Marignane Vitrolikea. Voilà, vous récupérez l'asset par là, car vous ne pourrez pas prendre l'asset, et encore moins la 55, au niveau des peines Mirabeau du convergent asset à 55. D'accord? Donc passez par Marignane, la D9. Ok, Stéphane. Bah, allez, merci. Parfait, monsieur. Merci d'écouter ICI Provence et de nous avoir appelés. ICI Provence, émission spéciale. Émission spéciale. À 20h16 sur ICI Provence, nous retrouvons Yvan Planteil, donc dans l'un des gymnases réquisitionnés pour accueillir d'éventuels évacués marseillais ce soir et cette nuit. Yvan Planteil, vous êtes avec le maire de secteur, c'est ça? Absolument, Florent. Bonsoir à tous. On est dans le gymnase Vallier avec Didier Jaud, maire du 4e et du 5e. Bonsoir à vous, monsieur le maire adjoint. Bonsoir. Le secteur 4, on le rappelle, hein, 4 gymnases ont été mis à disposition par la ville de Marseille. Il y a ici monsieur Jaud et il y a également dans le 13e Rosfuveau, dans le 13e également Croix-Rouge et dans le 16e Estac-Rabelais. Si on se concentre juste sur la situation ici, on peut accueillir combien de personnes? Il y a des vivres. Qu'est-ce qu'il y a exactement ici? Alors, ici, nous sommes en capacité d'accueillir 80 personnes, donc des gens qui sont empêchés de rentrer chez eux dans le nord de la ville, qui est très touché par les incendies. Donc, d'abord, je tiens à assurer toute ma solidarité avec toutes les personnes qui sont touchées aujourd'hui, parce que voilà. Et donc, le maire de Marseille et la ville de Marseille a armé 4 gymnases pour permettre aux personnes qui n'arrivent pas à rentrer chez eux, les enfants qui n'auraient pas pu rentrer des CMA, par exemple, d'être mis à l'abri. Et donc avec tout le nécessaire, des lits, de quoi manger, de quoi se restaurer de manière plus générale. Et donc pour être en sécurité malgré les conditions catastrophiques qui règnent au nord de la ville. 80 lits, des lits bébés, vous le disiez également, de la nourriture. Exactement. La sécurité civile, la Croix-Rouge, on peut faire face à une nuit à peu près, peut-être un peu plus en fonction du temps qu'il faudra à ce que l'incendie soit fixé, mais c'est à peu près pour l'instant, c'est au jour le jour. La ville de Marseille se tient prête et fera tout le nécessaire de manière à ce que les personnes soient mises en sécurité. Absolument. Merci Didier Jo. Florent, je le rappelle, personne pour le moment ici. Il y a un car qui devait arriver avec 70 à 80 personnes et qui a finalement été dérouté dans le gymnase Rabelais. Donc 70 à 80 personnes dans le 15e arrondissement. Merci beaucoup Yvan Planteil. J'ajoute que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce à l'instant mettre aussi à disposition immédiate 6 lycées de Marseille pour les familles qui seraient évacuées ce soir ou cette nuit. Concernant le feu, il est en régression globale d'intensité, mais différents foyers restent encore actifs à Marseille. C'est pour ça que les pompiers sont toujours mobilisés. Et rappelons-le, il y a des reprises de feu assez importantes au Peigne-Mirabeau, secteur du Jas de Rhodes. J'ajoute, parce que c'est une information pratique très importante pour demain. Alors c'est vrai que en cours de journée, le vent va baisser d'intensité. Et du coup, contrairement à aujourd'hui, la plupart des massifs forestiers des Bouches-du-Rhône seront à nouveau accessibles, ouverts. Il y a quand même des massifs qui resteront fermés demain pour risque sévère d'incendie. Il s'agit des Alpies, de Castillon, de Chambremont, de Montagnette bien sûr, du Rougadou et de Sulose. Donc demain, ces massifs forestiers seront interdits d'accès dans les Bouches-du-Rhône. Merci Florent, à plus tard pour un nouveau point. Vos appels en direct au 04 42 38 08 08 et vos messages sur WhatsApp. On retrouve Christian à Grance. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir. Et vous avez un coup de gueule. Merci. À passer. Oui, bon, coup de gueule si on peut dire. J'ai été pompier dans les années 90-2000 et je voulais dire que c'est très bien, je veux dire, de faire la morale aux gens, et je me permets de le faire quand je vois quelqu'un qui jette un mégot. C'est, pour moi, c'est criminel de jeter un mégot ou de faire quelque activité avec l'étincelle en colline avec ces temps-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que je veux dire, les conditions climatiques par rapport aux années, j'étais pompier, on est dans les années 90-2000, les années, ces années-là, en fait, étaient très, très chaudes, d'accord? Et on avait une flotte d'avions qui était très, très, très importante. Aujourd'hui, les conditions climatiques, malheureusement, elles ont changé défavorablement, et cette flotte, d'augmenter, elle diminue. Et je peux vous garantir que attaquer un feu avec des vents comme ça, c'est quasiment impossible avec uniquement des pompiers au sol. Si on n'a pas un appui aérien d'entrée efficace, c'est-à-dire sur des départs de feu, comme ça s'est passé avant midi au Peigne-Mirabeau, c'est de suite 4 ou 6 avions qu'il faut. Malheureusement, les 4 ou 6 avions, il n'y a pas trop de feu dans le département. Ces avions sont répartis de l'autre côté, du côté Hérault. On ne les avait pas. On avait 2 hélicoptères, un Canadair d'abord, puis une deuxième. Et ensuite, et voilà, les Canadairs donne. Sont arrivés plus nombreux au fil des heures. Mais c'est vrai, vous avez raison. Les pompiers, normalement, attaquent un départ de feu important tout de suite avec de très, très gros moyens. Mais là, c'est vrai que voilà, certains Canadairs étaient mobilisés dans l'Aude, effectivement, sur le feu de Narbonne. Ça veut dire que vous pensez que la France, aujourd'hui, n'est pas dotée de moyens aériens suffisants? On n'y arrivera pas, je veux dire, on fait prendre des risques à des gens au sol. Malheureusement, heureusement qu'il arrive rien de grave. Mais c'est inattaquable avec les conditions climatiques qu'on a et l'état de sécheresse. C'est, je veux dire, je vous garantis que on a un bon Dieu de pas brûler plus d'hectares que ça, je vous garantis. Et pourtant, c'est déjà beaucoup, hein, 700 hectares en quelques heures. Absolument. C'est déjà beaucoup. Mais on voit partir notre belle Provence. Et malheureusement, les moyens sont dérisoires pour la protéger. Ouais, ça fait toujours mal au cœur, sans compter évidemment l'angoisse de tous les habitants qui voient le feu arriver près de leur maison. Et oui. Et tout à fait. Malheureusement, sans moyens rien, on ne peut rien faire face à de tels feux. Cela dit, Christian reconnaissait malgré tout que grâce malgré tout aux Canadairs, aux Dash, les habitations, pour la plupart, ont pu être protégés aujourd'hui. C'est bien là l'essentiel. Une dizaine de maisons touchées aujourd'hui avec zéro victime, c'est quand même un travail tout à fait remarquable des pompiers avec les moyens qu'ils ont. C'est un miracle avec de faire ce qu'ils font. J'ai arrêté pour raison médicale de faire ce métier-là. Je veux dire, j'étais au marin pompier et j'étais sapeur-pompier dans le village de Grance, pour pas le nommer. C'est faire des miracles avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, je peux vous garantir. Ouais, c'est vrai que protéger les habitations, c'est leur mission première. Et vous avez raison, ils y arrivent parfaitement, alors que ce serait évidemment plus simple avec davantage de Canadair. Mais c'est l'occasion aussi de tirer à nouveau un coup de chapeau à nos pompiers et à nos marins-pompiers. Absolument. Quand vous attaquez un feu et que vous savez qu'il y a la flottille de Canadair qui arrive, je peux vous garantir que vous êtes content. Parce que plusieurs fois, je veux dire, c'est grâce à ces gens-là dans les airs que vous arrivez à sortir vivant d'un feu. Je peux vous le garantir pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, ouais. Je vous dis, dans les années intérieures. Mais parce que les pompiers mettent leur vie en danger aussi. Et j'espère que nos pouvoirs publics, je veux dire, monsieur le Premier ministre qui va venir sur Marseille, prennent conscience du besoin en Canadair. Ou autre, je veux dire, on a Airbus à côté, on pourrait très bien développer des hélicoptères, on a des gros porteurs qui sont capables de faire ça. Ouais, le ministre français. Ouais. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui effectivement va arriver à Marseille dans une heure environ. Et là, forcément, la question lui sera posée, monsieur le ministre, est-ce que la France va se doter de moyens aériens supplémentaires face aux nouvelles conditions météo avec des étés de plus en plus secs? Vous inquiétez pas, la question va lui être posée. Voilà, on attend sa réponse. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci Christian. Vos autres messages au 04 42 38 08 08. Fabrice, une pensée comme tous les actifs qui, comme moi, veulent participer au développement durable de notre territoire et utilisent les transports en commun au quotidien. Bloqué depuis 18h à mon arrêt de bus pour rejoindre la gare Saint-Charles et ensuite le TER pour Cassis. Ah oui, travaille à Châteauneuf-les-Martigues. Donc bloqué depuis 18h à mon arrêt de bus pour rejoindre la gare Saint-Charles et ensuite le TER pour Cassis. Aucun bus ne circule depuis l'Amed vers Marseille. Dodo au bureau à Châteauneuf. Bah bonne nuit, hein. Voilà. Toujours prévoir le petit kit, le petit déo et la brosse à dents et le dentifrice dans son tiroir. Moi, j'ai ça à la radio, on ne sait jamais. Et puis un petit bolino aussi, bon, ça n'existe plus. Ça. Ouais, mais bon, il y a sûrement des livreurs qui vont pouvoir apporter un peu de. On a fait des progrès depuis. De bonnes choses, ouais. Il y a Ludivine qui nous écrit. Je vous écoute sur la route, bravo, vous faites un super boulot, courage à tous. Il y a Guylaine qu'on a eu tout à l'heure à l'antenne et elle nous rajoute sur WhatsApp. J'ai oublié de vous dire à l'antenne, bravo aussi à vous qui faites des heures en plus et qui tenez au courant la population. Mais oui, c'est notre rôle, notre mission de service public d'ici Provence, radio de service. Non, je vais m'arrêter là. Mais voilà, c'est pas un gros mot. Non, mais vous savez qu'il y a des projets de politique nous concernant. Voilà, donc c'est là où on se rend compte qu'on est très utile, je crois, à la population. Une info concernant le Languedoc-Roussillon, car il y a pas mal de personnes qui vont peut-être aller en vacances du côté de l'Espagne ou des Pyrénées-Orientales. La 9 est fermée à la circulation entre 7 et Béziers. Il y a un incendie aussi en cours là-bas. Donc A9 fermée à la circulation, je voulais aussi vous le dire. Nous concernant, on refait un point sur la circuit tout de suite à 20h25. Vous écoutez ici Provence. Nous sommes toujours en édition spéciale suite à l'incendie de ce midi au Pen Mirabeau, Jas de Rode, Verduron, Lestac. Donc la 55 est toujours fermée dans les deux sens. Alors précisément, en venant d'Aubagne, le tunnel Prado-Carénage est fermé, le tunnel du Vieux-Port est fermé et le tunnel de la Major est fermé. Donc trois tunnels dans le sens Aubagne-Marseille fermé et ensuite toute la 55 jusqu'au convergent des Pennes Mirabeau en direction de Martigues, c'est fermé. Dans l'autre sens, la 55 est fermée entre le convergent des Pennes Mirabeau et Grand Littoral. Quand vous êtes à Grand Littoral, vous pouvez redescendre à la Joliette par la 55, c'est ouvert. Vous êtes très nombreux toujours à être sur l'autoroute Nord, mais ça n'est plus une situation à l'arrêt. La 7 en direction de Lyon n'est plus que ralentie entre Plombières et le convergent des Pennes Mirabeau. Nous avons une grosse demi-heure de temps de parcours, donc ça va mieux. En même temps, c'est normal, à 20h26, voilà, il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure. Ça n'est plus l'heure de pointe, loin de là. Il y a toujours un peu de monde quand même, plus d'une demi-heure donc pour faire Plombières les Pennes Mirabeau. On a un très très gros bouchon en ville à Marseille, à la Capucel, donc rue de Lyon, Saint-Louis, La Viste, pour remonter donc en direction du nord. Il y a au moins une heure de bouchon jusqu'à Saint-Antoine. On en est où de ce côté-là? Est-ce que les forces de l'ordre vous interdisent toujours de monter jusqu'à Saint-Antoine ou est-ce que vous pouvez rouler? Bien, appelez-nous pour nous le dire. 04 42 38 08 08. Pareil, si vous êtes dans le secteur de Saint-Henri, Saint-André, est-ce que les ronds-points et les routes sont de nouveau ouvertes? Je parle pas de la 55 qui est fermée, mais les autres routes, est-ce qu'elles sont rouvertes ou pas, notamment dans le secteur d'Henri Barnier? Moi, je pense que c'est toujours fermé, mais ça a peut-être évolué. C'est pour répondre à Magali, je vous relis son message. Savez-vous si les ronds-points de Saint-André sont rouverts? Car j'y ai abandonné ma voiture et j'aimerais la récupérer. Donc vous répondez à Magali en nous appelant maintenant 04 42 38 08 08. Et puis la 50 est fluide, il n'y a pas de problème entre Marseille et Aubagne dans les deux sens. Et la 7 est fluide direction Marseille, aucun problème pour rentrer dans Marseille. Ici Provence, ici. Émission spéciale. Émission spéciale. Oui, avant de retrouver notre reporter Fred Chapuis au nord de Marseille, quartier Verduron, un mot sur le trafic des trains, puisque la SNCF fait savoir à l'instant que la circulation des trains restera impactée, donc perturbée, demain entre Marseille, Miramas et Aix-TGV. Voilà qui est bon à savoir si vous devez prendre le train demain dans ce secteur. Voilà, comme promis, Fred Chapuis, quartier Verduron, quels sont les toutes dernières informations sur la progression du feu, Fred Chapuis? Alors, je n'ai pas toutes les précisions pour le moment. Ce qui est sûr et certain, je suis avec une vingtaine de marins-pompiers sur le plateau du Verduron. Vous allez pouvoir voir les images, et je vais vous les décrire dans un instant sur Ici Provence, sur les réseaux sociaux. Mais c'est un paysage de désolation, Fabien, Florent, tout simplement. Un paysage de lunaire, il n'y a pas d'autre mot. Les pins sont brûlés, la végétation au plus près du sol est totalement brûlée. C'est gris de partout, on voit la roche apparaître, etc. Il y a beaucoup de poussière, beaucoup d'odeur évidemment qui commence à remonter, odeur extrêmement forte de brûlé, assez irrespirable, c'est acronyme. Voilà, ça prend la gorge pour dire simplement les choses. Et donc pour discuter avec les marins-pompiers, ils vont rester là, ils m'ont dit stationner toute la nuit au moins. Et un autre marin-pompier me disait, mais là monsieur, il y en a pour 2-3 jours de travail. L'objectif, il est simple aujourd'hui, c'est éviter toute reprise, comme j'ai pu vous le raconter quand j'étais du côté des Pins Mirabeau, du côté du Jas de Rhodes, où là les reprises sont nombreuses. Là, sur le secteur du Haut Verduron, le plateau du Verduron, Marseille 15e, pour le moment, on ne me signale pas de reprise, mais vous savez, ça tient à pas grand-chose. Hein. On a un Mistral à 80-85 km/h qui va perdre un petit peu d'intensité à la tombée de la nuit, mais à la tombée de la nuit, il n'y aura plus les moyens aériens pour aider les marins-pompiers qui, eux, vont rester au sol, tout comme les sapeurs-pompiers du côté des Pins Mirabeau. Merci beaucoup Fred Chapuis en direct donc des hauts du Verduron dans les quartiers nord de Marseille, dans le 15e, avec évidemment un paysage lunaire malheureusement après ce qui s'est passé cet après-midi, les flammes très virulentes poussées par ce mistral de folie. La ville des Pins Mirabeau communique sur les reprises de feu qui ont lieu en ce moment. Les habitants des lotissements Littoral 1 et Littoral 2 ne pourront certainement pas réintégrer leur domicile ce soir. La salle Tino Rossi reste disponible pour accueillir les personnes qui le nécessitent. C'est ce qu'indique sur sa page Facebook la ville des Pins Mirabeau. Je vous rappelle aussi le numéro d'urgence cellule d'information au public pour les personnes ayant une question en lien avec l'incendie en cours. C'est le 09 70 80 90, 40. Ils auront la liste des hébergements d'urgence mis en place par la ville de Marseille, par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par la ville des Pins Mirabeau. Donc je vous le redonne, 09 70 80 90 40. Donc ce qu'il faut retenir, Florent, c'est qu'on a toujours un confinement aux Pins Mirabeau, à l'Estac, dans le 16e arrondissement. Donc on ne peut pas quitter ces secteurs-là, ni rentrer dans ces secteurs-là. Il y a donc des hébergements d'urgence pour la nuit, pour ceux qui ne peuvent pas retrouver leur domicile. Que la 55 est fermée dans les deux sens, entre Marseille et le convergent des Pins Mirabeau. La 7 reste ouverte, on aura des fermetures nocturnes, mais ça c'est les travaux. Vous avez la liste sur ici.fr. Voilà ce qu'on pouvait dire si on devait conclure cette édition spéciale maintenant. Avec une dernière info, le gestionnaire du réseau électrique Enedis, qui informe qu'environ 400 foyers des Pins Mirabeau et 200 foyers du 16e arrondissement de Marseille sont privés d'électricité, conséquence donc de ce feu, bien entendu. Donc les coupures de courant actuellement pour 400 habitants des Pins Mirabeau et 200 du 16e à Marseille. Allez, les dernières infos, auditeurs, auditrices, ici Provence, Chantal, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, je veux vous prévenir qu'il y a un incendie en cours à Loris. Ça a commencé vers 19h50 et là, les secours sont en place. C'est à l'entrée de Loris, quand on arrive de Cavaillon, on prend le rond-point pour monter au village. C'est le quartier des Fraisses et c'est en face le café villageois. Donc, on ne peut pas accéder à Loris par cet itinéraire. Il faut passer par Puyvert, ou bien si on veut sortir de Loris et aller en direction de Cavaillon, il faut prendre la vieille route de Pugé. Voilà. Voilà, donc Loris dans le Vaucluse, bien entendu. Tout voilà, à fait. Avec un départ de feu là aussi. Un de plus. Tout à fait. Merci. Merci à vous pour cette Merci info. Merci Chantal. Nous allons mettre un terme à cette édition spéciale. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé très activement en direct et sur WhatsApp. Merci Florent. Demain, émission spéciale à partir de 6h, hein, ici matin consacré à l'incendie, à ses conséquences, et c'est pas terminé. On espère qu'il y aura pas de développement tragique durant la nuit. On vous tiendra bien sûr au courant dès 6h du matin avec Philippe Richard, Camille Payan, toute la rédaction et de nombreux invités, dont le maire de Marseille. Hein. Benoît Payan à 7h45 sur Rive Provence. Donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant la nuit, surtout écoutez ici Provence à partir de 6h avec également nos reportages, des témoignages et donc des invités en direct pour reparler de ce gigantesque feu et bien sûr de ses conséquences. Voilà, et pas d'imprudence s'il vous plaît ce soir avec le Mistral qui va continuer de souffler. Bon alors, ambiance très bonne humeur sur votre radio ici, puisque c'est Boris, vous vous rappelez Boris? Oui, c'est Boris. Eh bien, il passe toutes les soirées avec nous depuis le camping, c'est Camping Musique et Bonne Humeur. Eh bien, on le retrouve tout de suite sur votre radio ici Provence. Allez, à demain. ne fait pas de révérence. Allez, passant à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi, comme on n'a jamais été, mon amour. Entièrement nous. De l'été, on plante la tente et les platines sur votre radio ici. Camping, musique et bonne humeur. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band 'bout that money. you hallelujah. Girl sent you hallelujah. Girl sent you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Alors on danse. Alors